Twitch seulement les chats. Seulement les chats. Ouais, parce que je mets Twitch sur mon sel à la place, ça va plus vite. Puis j'aime ça, puis je sélectionne juste les chats. Juste les chats. Only chats. Only chats. Je m'abonnerai à ça. Comme OnlyFans, mais pour les chats. Nous sommes le jeudi 10 février 2022. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 338. Je suis Narf. Je suis Blob. Je suis Anne-Marie. Et c'est le moment tant attendu, littéralement, parce qu'on est un mois, 10 jours en retard, de nos jeux de l'année, de la rétrospective de 2021. J'avais réalisé que j'ai oublié de l'écrire dans le titre. Fuck. J'étais beaucoup trop énervé pour ça. Alors, comme d'habitude, comme le veut la tradition, nos jeux de l'année, c'est pas nécessairement des jeux qui sont sortis en 2021, mais bien des jeux qu'on a joué en 2021. Yep. Idéalement pour la première fois, mais comme... S'il y a bien une chose que j'aime faire, c'est briser toutes les règles au fur et à mesure qu'on les invente. Fait que... Es-tu Epic Mickey 2? Évitons de trop s'éparpiller au début et commençons direct avec les jeux de la... avec dans le vif du sujet. Ah ouais, on start avec ça. On part. Ouais. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer en disant un petit jeu de l'année, là, un bon petit jeu de cette année? Garochez-vous pas trop tout en même temps. Ouais, je peux. On peut pas se voler la place. Je peux parler de The Uncle. Vous vous souvenez de ça? Ça m'a marqué. C'était cool. The Uncle qui travaille chez Nintendo, là? Ouais. Ouais, ouais. Ceux qui se rappellent pas, là, c'était un texte adventure, mais... Avec support visuel, avec de la musique, avec de l'ambiance, avec des petites images. Mais sinon, c'est quand même un jeu de texte plus qu'autre chose. Puis ça t'a marqué à ce point-là? Ouais, je trouve que c'était vraiment cool comment ça jouait avec les gens de ma génération, qu'est-ce qu'ils ont connu quand ils étaient petits. Et puis faire une espèce d'histoire un peu dark avec des enfants comme... Ben, je veux pas dire comme l'effet papillon, comme si c'était comme le super meilleur film de tous les temps, pis que c'était genre malade, mais comme il y avait des éléments creepy avec des enfants à plusieurs moments, pis comme ça me rappelle ce genre d'affaires-là. Puis ce qui était cool dans The Uncle Who Works for Nintendo, c'est que c'était quand même pas trop épeurant. Mm-hmm. C'était capable d'aller dans l'ambiance pis tout, mais faisait pas nécessairement des gros jumpscares, quoique un moment donné, ça frappe à la porte, ça surprend un peu, là. Un text game, là. Ouais, c'est ouais. Ça. Peux-tu vraiment faire des vrais jumpscares dans un jeu de texte? Ouais, ça pourrait être que quand tu cliques sur ouvrir la porte, ben là, ça fait un gros bruit, puis il y a quelque chose qui apparaît, là. C'est vrai, c'est vrai. Mm-hmm. C'est ah vrai. Non, tout à fait, là. C'est vrai que ça me fait penser que j'ai déjà vu un jumpscare dans une BD. Comme ça. Tu scrollais dans BD, puis à un moment donné, ça devenait un peu creepy, puis là, à un moment donné, ça scrollait tout seul, puis ça allait super vite, puis tu voyais une grosse bébite dans ta face. Ah, c'est hot, ça. Puis je pense qu'il y avait un effet sonore, mais je suis pas sûr. Comme juste faire apparaître du gros texte vraiment vite quand tu cliques sur quelque chose, je ferais probablement le saut si l'ambiance est déjà placée, puis tout, là. Ben, c'était comme une silhouette, puis là, t'sais, vu que ça défilait très vite, ça faisait comme si c'était un film, comme si c'était un gif, mais c'était comme vraiment case par case. C'est juste que ça défilait à toute vitesse, puis tu voyais la bébite s'avancer vers toi avec la grosse bouche ouverte. Nice. Ça faisait fucking peur. Parce que ben tu t'attendais pas à ce que la page voyable... Tu lis une BD, tu t'attends pas à ce qu'il y ait du mouvement. Mm-hmm. En tout cas... Ça, c'est pas mes jeux de l'année, ça. Vieille affaire. Hey, mais je suis content, Blob, que tu te sois, que t'es déjà sauté là-dedans, parce que comme tu t'as répondu à la question, c'est quoi nos jeux de l'année, toi t'en avais un. Moi, je sais pas, là, comme c'est tough. De quoi les jeux de l'année? Ben, que j'ai constaté. Ben non, non, non. Il y en a des très bons que j'ai joués. Là, je regarde ma liste là, qui est sur un papier à côté de moi. Moi aussi, j'ai plus pris Et genre les jeux courte en marquants. Ouais, tabarnouche. moi aussi, vraiment, vraiment Comme, courte. juste, j'ai C'est quand juste même fait la correct. liste de tout ce que j'ai joué, là, à part peut-être des petites niaiseries, là, mais juste, même la liste de tous mes jeux de l'année, les jeux que j'ai joués cette année, c'est moins long que ma liste des jeux préférés des années d'avant. Genre, Oh, j'en ai quand à peu même, hein? près comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, puis il y en a un qui est une émission sur Netflix. Fait que, il y a 8 à faire. J'ai joué à 8 jeux cette année. Quoi, Wow. c'est pas beaucoup, je me reconnais pas. Puis comme, je pense que c'est emblématique de 2021. Anne-Marie, tu me le Mais disais avant le podcast, là. tu vois, Comme. j'ai joué à quand même pas mal d'affaires, mais j'ai joué à plusieurs petits trucs sur Itch. Mettons que tu sais, j'ai joué 20 minutes, puis c'est ça. Moi aussi, c'est pareil. Où j'ai joué à Mini Metro, mais je le sors presque jamais, tu sais. Puis. Je Ouais, c'est pense comme. à un certain âge, je pense que les gens le connaissent déjà. Puis j'ai pas capoté non plus, là. Mais. De Ma temps liste, en temps, je suis comme. Ah, ouais. Mini Metro. Ma liste, au moins, comme 30 jeux, peut-être, là, mais comme il y en a beaucoup que c'est. Mais parce que c'est ça aussi, tu sais, maintenant que je fais mon Media Diary sur Joplin, comme j'écris absolument toutes. Fait qu'il y a des affaires que j'ai essayé 2 minutes puis j'ai fait nope. Mais je me mets une note pour dire, genre, OK, ce jeu mobile-là, je l'ai essayé. J'ai joué 2 minutes, j'ai fait nope. Parce que je veux m'en rappeler plus tard si je le revois puis juste faire, ah, c'est quoi mon impression de ça? Le retourner sur Joplin puis voir, genre. Ah, oh, je trouvais que c'était de la merde. mais c'est ça, ouais, dans les jeux dans lesquels j'ai vraiment comme passé du temps, passé des heures cette année, j'en reviens pas comme il y en a pas beaucoup. C'est ça. C'est flippant. Moi, je pensais que en 2000, tu sais, je faisais des blagues par les années passées parce que je disais genre, ah ouais, j'ai presque joué à rien parce que j'ai passé 1000 heures dans Heroes of the Storm. Ben, c'est ça. Mais là, j'ai Plus juste comme, d'excuses. j'ai pas passé 1000 heures dans Non Heroes plus. of the Storm, puis j'ai encore moins joué à des affaires. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Genre, qu'est-ce que j'ai fait? Yeah. Fait que Exactement. finalement, on est un podcast de boomers, puis on n'aime pas ça les cellulaires, puis on joue pas à des jeux vidéo. C'est ça. Ça qui Okay. arrive. C'est vraiment weird, mais mettons pour en nommer un là, j'ai joué énormément à Minesweeper Online. Comme Parlons-en. c'est Ouais. vraiment beaucoup d'heures que Est-ce que j'ai. tu hésites à le mettre dans les jeux de l'année parce que comme Non, peut-être ça a pas changé ta vie ou. lui je le mets, ben je veux dire, je le mets dans ma OK. liste de jeux qui ont marqué mon 2021. Que, moi c'est plus ça comme, genre je sais pas si c'est des jeux qui méritent genre des mentions, mais c'est des jeux qui genre qu'est-ce que j'ai joué cette année là? J'ai joué à Minesweeper en tabarnak cette année. Score pour les meilleurs carrés. Ouais, c'est ça. Ben comme clairement que Minesweeper.online, c'est genre le prix du Minesweeper le plus pratique puis le plus engageant avec les events puis les quests puis les tableaux custom puis comme. Oh mon Dieu, il y a des events. Moi, je pensais que c'était juste Minesweeper, là. Non, il y a des événements. Ah non, j'accrocherais pas autant si c'était pas que mettons t'as des Et ouais. rankings par mois, t'as Ils ont des rajouté une events. metagame. Ouais. Fait que non, oublie ça, là. C'est addictif, quasiment. Non, c'est pas. Faut aimer Minesweeper. C'est sûr que ce que j'aime beaucoup que je connaissais pas avant, c'est le mode No Guess. Fait que dans Minesweeper Online, il y a comme deux modes. Il y a le mode normal, puis il y a le mode. T'auras jamais à choisir un 50-50 entre deux affaires. Genre, toutes les positions des mines, tout est guessable. Ben, en fait, pas guessable. Tout est genre extrapolable selon les informations que Ouais, t'as tout jamais à est prendre une chance. résolvable Ouais, sans juste y aller au c'est ça hasard. Qui exact, n'est t'as pas le cas jamais à du prendre une jeu de chance. base, Non, comme il était à l'origine. C'est ça, ouais, c'est des son fois lame-là t'arrivais à une était. place pis t'étais comme bon là je suis pogné, C'est ça faut que je devine, pis là t'as une chance sur deux de perdre. exactement. Mais le no Quoique on guess, pourrait croire que c'est parce qu'on le voyait pas puis on pensait qu'on était ben obligé, mais peut-être que non. ça c'est ça que je trouve dur. Parce que dans le normal, c'est ça, tu dis, c'est-tu moi qui réfléchis pas assez profondément? Pis que là, genre, là, tu prends un screenshot pis tu commences à faire des dessins, là. Ou ben, est-ce que c'est vraiment genre, il y a une probabilité de 50-50 pis c'est ça qui est sûr? Mais le mode no guess, c'est ça qui est fou parce que là, tu peux vraiment dire, OK, comme, je le sais que ce sera pas un 50-50, là. Fait que quand tu vois pas la situation, faut juste que tu te dises que c'est un puzzle pis que tu as juste pas trouvé la solution. Fait que ça vaut la peine de t'asseoir puis de dire, OK, on va De commencer à sortir un faire. papier C'est bien ça. gris. On... On va faire des dessins puis on va trouver comme le. Fait que c'est plus le fun. J'aime ça. Là, juste Ouais, pour être certainement. sûr, là, parce que là, je le cherche. Puis est-ce que c'est minesweepersonline.com Non. ou c'est minesweepers.online? Il n'y a pas de S là, c'est minesweeper.online. Ah oui, excuse, c'est minesweeper, Il y a juste évidemment. une personne qui sweep. Oui, c'est toi. Je sais. Mais ça devrait être minesweeper, par exemple, parce qu'il sweep plus que de mine. C'est J'imagine que là que tu je me dis rends compte que je un l'ai tellement verbe dit quand j'étais jeune en que je disant tout parlais pas le temps. vraiment anglais, que c'est genre Minesweeper, Minesweeper, Minesweeper, puis je sais plus qu'est-ce que ça veut C'est dire. comme C'est la pas des mineurs? franchise. C'est la personne qui Non, swipe ouais. les mines, mais oui. Je... Non, les sweep. Qui est sweep, parce que, oui. Qui est Les balaye. swipe. Hey, il devrait inventer ça, Mineswiper? Mindswiper. C'est sûr que c'est un Voyons, gaga sur Itch.io, là. C'est sûr. c'est comme, tu peux dater des mines. Ah! T'es swipe à gauche ou à droite. Je vais voir sur Itch. Swipe à gauche, if you wanna go boom, tonight. Allô, Jackie! Boom boom Ça in fait my longtemps. room. Et mais Colisse. là, pendant ce temps-là, est-ce qu'on devrait dire Stars War? Comme une Ouais, seule c'est ça. guerre, plusieurs étoiles? Oh oui, je le savais que Itch.io ne me décevrait pas, Mindswiper. C'est pas du tout du dating. Oh, Ça a l'air donc fucking c'est décevant. compliqué. C'est un gros puzzle avec des carreaux. Non, pas cool. Je Nice. veux Non, ça a dating minds. Ça s'appelle mine swiper. En Bah. fait, tu peux gosser comme il faut avec les deux syllabes, faire mean swiper. Oh. Ouf, Parce que tu fudge. prends le i de sweep Oui, pour oui, mettre oui. dans le. C'est le mean swiper. Il y a probablement du monde comme ça sur Tinder, yo. Il y en a assez, je pense. Il y en a Oui. assez, je pense. Fait que, ouais, ça commence bien. À date, on a un jeu de texte et des mineurs. je pensais que On j'avais parlé du commence fait que vraiment l'année c'était. en grand. Je pensais que Room j'avais parlé du gamers. fait que c'était gamifié, là, mais là que t'avais pas réalisé que c'était gamifié. Je suis comme, non, mais c'est du sérieux, Ok. Minesweeper.online. C'est real, là. Fait que c'est des mineurs, mais avec des mécaniques d'addiction, Non, pas vraiment. des metagames, puis des... Pas tant que ça. T'as juste Pas trois tant que défis ça. par jour. Non, c'est pas gamifié à ce point-là. T'as juste trois défis par jour, pis t'as des rankings, pis t'as des événements par mois, mais Mon comme. Dieu, je pensais que t'allais me dire, t'as 3 vies par jour, Non, oh fuck non. Oh non, tu peux jouer ta puis là, vie, quand là, tu tu peux jouer tout perds, le temps. c'est genre, faut que t'attendes ou que tu demandes des vies sur Facebook à tes amis. Puis, ou tu peux payer 1 pièce pour avoir 5 vies de plus. Non, il y a de la monétisation, mais c'est pour enlever les pubs. Mais j'ai un ad blocker, fait que j'y vois pas. Ouais, ça c'est la bonne approche, Ouais, je pis pas pense. souvent, comme. C'est vraiment raisonnable. Je pense que peut-être un peu de monétisation si tu veux acheter des équipements. Il y a moyen d'acheter des équipements avec la currency. Mais ils font juste que ton XP monte plus vite, genre. Mais tu sais, ton XP, c'est juste. C'est les leaderboards, I guess. C'est comme, on s'en fout, là. Ok, C'est fait pas qu'ils ont super grave. gamifié, rendre les chiffres plus gros. Fait que ça va Ouais. marcher pour moi. Ok. C'est un idle game. Ben Moi, ce non. que je me demande de mon Ben non. bord, c'est Tu joues à s'ils Minesweeper. supportent le 144 FPS avec le ray tracing. Parce que je sais que c'est ça qui est important pour les vrais gamers comme nos auditeurs pis tout ça. Ouais, Ouais. T'as appris ça de savoir ton oncle qui que. travaille chez Nintendo. Fait Non, que. mon oncle qui aurait répondu à ma question. Parce qu'il connaît tout, il travaille chez Nintendo. Exactement. Là, c'est à toi, Nerf, là. C'est à ton tour de nous en N'est sortir. un vrai, là, comme un vrai bon jeu Un que vrai j'ai bon joué. jeu. Non, Bon. mais Yes. ok. Disons ton dit de Ben. la merde. Non, ben, je sais pas, là, mais je veux dire quelque chose d'un peu plus gamer. C'est comme. Subnautica. Ouais. Tu sais, Ouais, j'ai bon. dit tantôt, genre, ah, il me semble que j'ai joué à rien. Mais c'est pas vrai. J'ai joué quand même vraiment longtemps à Subnautica. Je pense que j'étais rendu à 80 heures comme faux là-dedans. J'ai joué vraiment longtemps. À un moment donné, j'ai été bloqué, mais genre, j'ai eu du fun à Subnautica. Puis genre, en demandant de l'aide sur On a juste une vie, les gens vous m'avez donné des petits indices pour m'aider à retrouver, faire comme à me rendre compte que j'avais oublié, qu'il y avait une place que j'avais oublié d'y aller. Puis il y avait une place que j'avais oublié d'équiper mon power-up pour pouvoir descendre plus creux. Fait que je pensais que je pouvais pas aller plus creux, mais je pouvais, j'avais juste pas équipé mon power-up. J'étais con. Fait que mais ouais, ça, j'ai joué en tabarnouche, puis c'était vraiment bon, puis j'étais content. Puis tu sais, à la fin, j'ai fini, puis j'étais comme, est-ce que j'achète le DLC là ou le non, c'est un pas un DLC, c'est un nouveau C'est un Beyond stand-alone. Sub-Zero. Ouais, c'est C'est un ça, stand-alone. Sub-Zero, c'est un nouveau Subnautica. J'étais comme, est-ce que je l'achète? Mais là, c'est comme, je venais de passer 80 heures à jouer à Subnautica, c'était pas. Je pouvais prendre une petite pause. Sauf que j'ai pris une petite pause, puis là, j'ai juste plus joué à rien. Fait que c'était. Ça a été une drôle d'année. Ça a été une Ça, des vraiment fois. drôle d'année. Tu le prendras en spécial à un moment donné. Je veux dire, non, c'est pas Non. vrai. J'ai pas joué à rien parce que quand j'ai arrêté, j'ai tombé dans Off-World Trading Company, puis là, Ah. j'ai joué de manière complètement addictive Bon, super. jusqu'à temps que. Jusqu'à temps que je me fasse démolir. En fait, j'ai commencé à jouer en multiplayer. Parce que ça, c'est pas un jeu que j'ai joué pour la première fois cette année. Fait que techniquement, je peux pas le. Il était déjà dans ma liste voilà 2 ans. Fait que je peux pas le remettre. Mais cette année, j'ai commencé à jouer en multiplayer. Puis c'était le fun. Mais il y a pas assez de joueurs. Fait que tu te ramasses à. Puis les seuls qui continuent de jouer, c'est les meilleurs. Fait que tu fais. À un moment donné, à me faire démolir tout le temps, j'étais comme bon, ben. Il manquait un système d'handicap pour que genre le match soit fair. Puis c'était dommage parce que t'sais, autant pour l'autre personne, je pense pas que l'autre personne avait bien du fun à me démolir. Il y avait même pas besoin de se forcer là. Puis comme il n'y avait pas beaucoup de joueurs, tu finis, tu fais comme bah ok. C'était tough là, mais on va en repartir à un autre. Puis là, encore le même joueur, puis comme ah Ah. non, pas Puis il n'y a pas encore. d'handicap pantoute. Non, Ça aurait été de quoi malheureusement. de brillant à mettre, ça, quand même. Je pense que Ouais. le système fonctionnerait s'il y avait beaucoup de joueurs pour que le matchmaking Ouais. va me matcher avec un joueur de mon niveau. Mais comme il n'y avait pas de joueurs, il me matchait toujours contre le seul personne qui était online à ce moment-là. Fait Oups. que là, ça. C'est dommage parce que le jeu supporte y a un très beau système d'handicap vraiment nice. C'est juste l'argent de départ. Comme tu commences avec plus ou moins d'argent de départ, puis. Ça fonctionne super bien. Tu peux scaler ça vraiment à l'infini. Si la personne est méga bonne, ben tu peux donner à pauvre petit moi, me donner 1 million de dollars de départ pour. Mais malheureusement, c'est pas dans le mode online en ranking. C'est juste là dans le mode comme lobby. Puis dans le lobby, ça va. C'est comme un peu chiant, là. C'est pas. Ouais. Si tu veux refaire le ranking comme il faut avec des handicaps, c'est que la personne qui a joué contre un gros handicap, ça monte plus son ranking, peut-être. Ben ouais, si mettons, Ouais, c'est t'sais, ça. si je réussis à gagner, t'sais, si mettons il me donne il donne un très gros handicap à l'autre joueur qui est trop bon, puis que il réussit quand même à gagner, ben là ça veut dire que là il peut monter son handicap et monter son ranking, quelque chose comme ça, genre. Ouais. Il y aurait moyen de le faire, c'est L'handicap, ça juste. peut être un genre de différentiel entre les deux rankings. Genre ouais. Fait que. Yeah, c'était Off-World Trading Company. C'était fun pour le temps que ça a duré. C'est quand. Il a été en vente sur. Il a été donné, en fait, sur Epic Store. Fait que là, il y a eu plein de nouveaux joueurs. Fait Ah que là, ouais, quand c'était le même. fun pendant 2 semaines. Puis c'était pas. Fait que je vais attendre. La prochaine fois qu'il va être donné sur Epic Store, je vais vraiment me retourner dedans. Ben Puis. oui. Tu vas torcher les noobs. Ouais, c'est ça. Yeah. Fait que Subnautica, ça c'est dans ma liste de jeux pour cette année. Ah oui, right. Ça va être cas. Tu dirais que Je t'as fait compte les le doigts. tour du contenu de Subnautica ou il y a des gugus Ah non, quand même? j'ai pas tout fait le crafting parce qu'il y a des affaires qui servent un peu à rien. Genre il y a un Ouais. paquet de weapons que c'est comme ça sert à rien. The T'sais, tu weapon? peux. Ouais, il y a des genres de torpilles que tu peux lancer pour faire des decoys ou des torpilles pour comme assommer les ennemis pendant un petit Ah bout, ouais. mais comme c'était chiant, c'était long, c'était tough de viser, ça va. Puis j'étais comme t'en as même pas de besoin. Non, t'en as Le pas besoin. Je pensais que tu parce veux que dire le cosmétique, là, parce que tu peux faire ta base super belle, là. Ah ouais, non, ça je le faisais à fond. Ah, ok. J'ai fait plein Ah, de fait que bases. même quand t'as comme fini, tu peux continuer à faire des bases si ça t'amuse à Ouais. l'infini, puis il y a plein de choses à faire. Ben, plein. Remplir ton aquarium, trouver toutes les œufs pour mettre dans ton Ouais. aquarium, là, Je pense que tu ouais. peux quand même Ouais, faire ok. le tour, là. Mais tu sais, tu peux. Avec les outils que t'as, tu peux prendre le temps de faire de quoi de vraiment cute, là. Mais ouais, les aquariums aussi. J'avais un gros aquarium avec plein de poissons dedans. Ça sert à rien, c'est juste cool. Yep. Ouais, Ça ça sert va. pas à rien si tu peux t'en servir comme bouffe pour mettre dans ton machin, pour ton bio, ton bioréacteur. Oui, Ouais, si fait que t'es jamais t'es dans la végétarien, mais merde. tu peux mettre genre toute la vie marine dans le blender. Ouais. Au début, je me sentais mal, j'étais comme oh non, le poisson il est mort dans le blender. Pas ça que je voulais faire, je savais pas que ça allait faire, je m'excuse. À la fin, j'étais comme allez, on attrape plein de poissons, tout dans le blender, donnez-moi du power, j'ai besoin d'électricité dans ma base. Yes. Moi, je mettais beaucoup, Ouais. genre, de la biomasse végétale. Parce que j'avais des gros jardins, là. J'avais des gros bacs à Aussi, jardin aussi ouais. dans ma base. Puis Ouais, ça servait ouais, pas mal à ça, là. ouais. Ouais, quand tu m'as dit qu'on pouvait retourner à une place puis aller ramasser des trucs. Je sais plus si c'est toi ou c'est ma soeur qui m'a dit, genre, hey, t'as T'as plein de plein de jardins? plantes là à ramasser. J'étais comme, Mm-hmm. hein? Elle fait, oh! Ben, retourne voir puis promène-toi. Puis j'étais comme, oh shit, il y avait plein d'affaires que j'avais pas vues. Fin coin. J'avais un Mais bon. jardin dans ma base, puis j'avais un jardin à l'extérieur parce que tu peux faire pousser de la flore marine aussi à l'extérieur. Ouais. Ça, il y a des Oh. trucs qui poussaient quand même comme de la mauvaise herbe, puis qui faisaient de la bonne biomasse. Là. Yep. Ouais. C'est le fun, ça, de Ça te Netflix. pensait à Monster Hunter 3. Dans Ouais. celui-là, tu pouvais te promener dans l'eau, puis il y avait un espèce de gros poisson de boîte. Ben, tu sais, un monstre majeur, là, Monstre. qui se cachait dans la boîte, puis comme. Il y a comme des petites barbules de moustaches qui dépassaient, qui ressemblaient à des plantes, puis après l'avoir vu une couple de fois, puis qui m'avait fait peur, genre, je reconnaissais les petites barbules qui dépassaient, puis j'étais comme, ah, oh, ok, fait que je vais pas passer là. Puis à un moment donné, là, j'en ai vu proche, qui m'ont vraiment fait faire le saut, puis j'ai remarqué que c'est parce que ces barbules imitaient des plantes dans le fond. Mais j'avais vu ces barbes avant de voir les plantes, fait que c'est les plantes qui m'ont fait faire le saut. Parce que j'y reconnaissais, mais lui, son but, c'est que je le reconnaisse pas, puis je pense que c'est des mauvaises herbes, mais en tout Ah, ça va être cool. cas. Ouais, c'est malade. Quand tu te bats contre lui, il y a une espèce de toune qui ressemble un peu à celle du film Jaws. Avec comme top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top. Quel fun. Mais ouais, de nos jours, c'est rendu un peu ancien. Le jeu est sorti peut-être en 2008, là. Ouais. Fait que là, Blob, t'as-tu joué à Metroid, toi, cette année? Bon, à peine, Semble que je faisais le montage de. Je me rattrapais les épisodes, là, de. J'étais en retard sur le montage, fait que je me suis tapé tout ça cette semaine. Semble que j'ai écrit Metroid souvent! ouais, ben, cette année, j'ai décidé d'essayer un randomizer du vieux Metroid. Je me suis habitué un peu à jouer au vieux Metroid, puis parce qu'il est pas super bon, le vieux, là. Vous m'avez Le vieux, parlé il de est ben lui. trop dur. Puis un coup que tu connais le truc, il est ben trop facile. Ok. C'est très étrange. Ouais, pour vrai, c'est vraiment étrange. Ok. Tout le temps que t'apprends où sont les affaires, c'est comme impossible. Aussitôt que tu meurs, le jeu, il te retourne, genre, avec 30 de vie, même si tu peux en transporter plus. C'est comme d'habitude, les jeux, quand tu Ah ouais. meurs, ils te font reculer, mais ils te remplissent tes cossins pour que t'aies une chance de recommencer. Mais là, Lui, genre, il est comme il non. te ramène au début de la zone avec 30 de vie, comme arrange-toi, puis les seules façons de te remettre de la vie, il n'y a pas de point de recharge, c'est de tirer sur des ennemis que des fois ils donnent un 2, puis des fois ils donnent un 5. Y a pas de quoi qui. Tu peux pas genre sauvegarder avec des mots de passe là-dedans, puis ça, justement, ça va te redonner de la vie. Je pense que tu peux le faire d'une certaine manière, mais je pense que pour avoir de la vie pour commencer, c'est comme un cheat. Ah. Comme je pense que si tu te fais composer un code, un générateur de code que tu rentrerais, c'est quoi les affaires que tu veux dedans, puis tu mets de la vie, il va t'en mettre. Mais le jeu en lui-même, il va jamais t'en donner un qui en contient. Oh, Il est pas merde. fait comme ça. Quand Ok. tu recommences, t'as pas de vie. T'en trouves. Fait que tu J'avais un perds ton souvenir temps qui à était genre, l'os. ah, tu, quand tu, quand tu, c'était genre, ah, en tout cas, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans ce jeu, tu perds ton temps à l'os à comme essayer de remonter ta vie. Mais si t'es assez bon, comme tu meurs pas vraiment, ou tu pognes assez de power-up, qu'après ça, c'est pas trop pire de tuer des ennemis pour reprendre ta vie. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme un cercle vertueux où est-ce que ça va de mieux en mieux. Puis quand tu arrives devant les boss, tu as une idée vague de à peu près combien de dommages ils vont se prendre. Puis toi, si tu as tant de temps que de vie, ça va être assez pour comme passer ce bout-là, puis c'est pas grave. Possiblement, quand tu pognes une tank de vie, ça te remplit au complet. Fait qu'aussi, si tu sais exactement son où, c'est comme tu fais attention, mais quand tu sais qu'elle est proche, ben là, tu peux niaiser un peu, puis tu vas pogner ta tank de vie, puis t'es correct. Les boss sont vraiment épais. C'est comme Ridley, tu peux t'avancer proche de ses pieds, puis si il commence à tirer ses boules de feu d'une certaine manière, il va jamais arrêter de les tirer de cette manière-là, puis il va jamais te toucher, puis il va jamais bouger, puis tu vas juste tirer dedans, puis il fait rien. Fait que là, Blob, t'es-tu en train de nous dire que dans ta liste de jeux de l'année, t'as un jeu qui a à peu près 30 ans? Ouais, je pense. Ok. Ça. J'ai juste à être Non. sûr. J'ai juste à Non. être sûr. Il est pas vraiment dans ma liste. C'est juste parce que Ah, cette ok. année, j'ai joué à ça. J'ai joué à ça, mais en texte. Ah oui, Vous c'est avez vrai. écouté un de nos autres podcasts, là. Ils ont fait un livre dont vous êtes le héros de Metroid qui est bizarrement bon et bien fait, genre. Puis Yes. que quelqu'un a programmé dans Twine. Fait que c'est Mais full facile de jouer. il y avait aussi Metroid Dread. Ouais, il y a ça qui est sorti cette année. C'est un peu à ça que je C'était pensais que plus ça, que t'allais genre, de l'année. dire quand j'en ai parlé au début, mais Tu continue. sais, l'affaire, c'est que Metroid Dread est sorti en novembre, puis j'ai joué en novembre. Ah ouais, je Ben pensais que tu continuais à runner. Comme pour améliorer non, ton pas temps, vraiment. ou... Non, ok. J'ai pas mal tout fait là-dedans. Damn. Ça y manque de Non, il est randomizer. sorti en octobre. Il a sorti un DLC, genre une espèce d'update gratuite, genre Ouais, on peut en hier. parler un petit Ouais. peu. Mais vite, vite, pour ceux qui n'ont pas écouté tous les podcasts de cette année, Metroid Dread, je l'ai assez aimé. La soundtrack était un peu ordinaire. Il m'a Non. déçu, mais comme pas assez pour pas que je refasse le jeu plein de fois. J'ai fait Metroid Dread, genre 5 fois, j'ai fait un 100%, je l'ai fait en normal, en hard, je l'ai fait en bas inventaire, genre j'ai pris aucune munition, puis le moins d'items possible, fait que tout me one-shottait à la fin. Fait que tu sais, je l'ai fait en masse. Puis là, on a un update gratuit qui est super le fun, qui est le bienvenu pour plein de gens, puis que peut-être le jeu aurait dû sortir tel quel, mais comme c'est pas si grave, l'update est gratuit, là. Oui, il y a un Mais mode c'est facile, c'est ça? un peu cheap, qu'est-ce qu'il y a dedans pour quelqu'un qui l'a déjà fait. Le mode facile, c'est parfait pour ceux qui sont pas capables, parce que le jeu était passablement difficile. Quoique, tu sais, si je l'ai fait à 0%, c'est que manifestement, il était pas si dur que ça, là. Ouais, On mais était bons, là. c'est vraiment une autre. Ouais, c'est ça, là. T'sais, moi, peut-être que j'aimerais ça le mettre à facile pour Ouais, c'est passer ça. un boss que je suis vraiment pas capable, là, mettons. T'es Parce pas un qu'on deux fait pics non plus. plus. On fait plus les jeux comme avant. Avant, les jeux étaient un peu chiens, là, que les projectiles ennemis, ils revolaient comme au hasard, vraiment, là. Puis à cette heure, quand tu fais un boss fight, là, il s'assure comme que pendant le boss fight, là, il va avoir une animation extrêmement spécifique avec un flash de lumière pour te dire tu dois te mettre dans tel coin. Puis là, il va te tirer un rayon, il y a une grosse affaire mauve qui va te montrer exactement où est-ce que le rayon va s'en aller dans 5 secondes. C'était pas comme ça avant, puis on jouait pareil. C'est le bienvenu, c'est juste que c'est pas si dur que ça. Faut que tu regardes, il te montre tout. Tu cherches rien, c'est pas random, t'as pas à inventer de façon organique ou te placer dans l'écran. Ils ont tout le temps prévu des raccoins. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui sont peut-être pas aussi agiles de la manette Non, que ben, c'est ça. pour ça, effectivement, un mode easy, ça peut pas être mal Ben, je pense que le mode easy, c'est la meilleure chose de cette update-là. C'est ce qui est le plus le bienvenu. La deuxième chose qui est le plus le bienvenu, c'est un mode où est-ce que tu fais toutes les boss d'affilée. Ah, Mais ouais, bon, ouais, ouais. c'est cool, mais comme qu'est-ce que ça rajoute vraiment? Bon, je sais pas trop, là. J'ai fait le jeu plein de fois. Il y a des boss, là. J'imagine qu'il comme il y a un leaderboard puis il check combien de temps ça t'a pris. C'est possible. C'est possible, mais s'il n'y en a pas, il va en avoir un sur speedrun.com. Ce que je ne sais pas, c'est quoi l'équipement qu'ils te donnent pour le faire. Fait que peut-être qu'ils ont fait une sélection d'équipements qui va pour chaque boss. Qu'est-ce que tu es supposé avoir? Parce qu'ils peuvent pas te donner les affaires super fortes tout de suite pour faire les boss du début, parce que tu vas les exploser en rien que temps. Ben ouais. Puis ils peuvent pas non plus te donner presque rien, parce qu'il y a des boss proches de la fin que si t'as pas certains upgrades de mouvement, c'est extrêmement difficile. Comme je les connaissais par cœur, les affaires qu'ils pouvaient faire, mais si j'étais pas capable de faire mon petit air dash pour me garrocher d'un bout à l'autre de l'écran, c'était beaucoup plus difficile. S'il fallait que je marche pour éviter ces affaires. Ou comme que je saute par-dessus. En tout cas. Ouais. Ça, c'est cool. C'est correct, mais je sais pas, je m'en fous un peu, mais je pense que c'est bon pour plusieurs personnes. C'est quand même le bienvenu. Mais tu sais, vous avez remarqué peut-être que c'est pas des grosses affaires qui demandaient grand-chose à intégrer dans le jeu. Ouais, non. L'autre Non. affaire, c'est un hard mode, plus hard que le hard mode, qui s'appelle Dread Mode. Puis comme, c'est juste que tout te tue d'un coup. Ouais, c'est ça. C'est juste tout un one shot, là. Mais comme le monde s'invente déjà ces modes-là juste en resettant aussitôt que tu manges un coup, là, comme... C'est les gens qui font Ouais. des speedruns de no damage, c'est ce qu'ils font, mais le Ça mode le fait aussi, pour toi, là. ça leur a coûté quoi à programmer ça dans le jeu? Rien. Ouais. Puis comme c'est-tu le bienvenu, je suppose. Comme une chance qui est gratuite, c'est plus ça que je me dis. Ouais, Je non, suis pas évidemment. excité, là. C'est... Ouais. Puis ma mode, ma... mon mode 0%, façon de parler, c'était quasiment ça, là. Ouais. Ouais, ben oui. Mais est-ce que, comme, ton souvenir de Metroid, tu sais, là, tu l'as fini 5-6 fois, là, fait que j'imagine que t'as quand même aimé ça, mais est-ce que, tu sais, comme, est-ce que c'est un jeu de l'année? Ben oui, oui, Ok. sincèrement. C'est ça qu'on veut C'était savoir à ce soir. C'est-tu le ton jeu bienvenu. de l'année? Y C'est le es-tu dans la bienvenu, c'est le liste bienvenu. des jeux de l'année de On a C'est juste juste une que vie? je pense que ça déplace pas grand-chose. C'était un super bon jeu, mais comme on va peut-être un peu l'oublier dans un coin. Il était juste assez solide pour qu'on s'en rappelle, mais Mais il y a tout le je hype sais autour pas. aussi, tu sais, qui était sûr Il changeait rien. c'était sûr que ça allait marquer les gens juste parce que comme les gens l'attendaient tellement puis avaient donc hâte, là. Ça a généré Ouais, puis beaucoup de hype. je veux dire, le quality of life, il est vraiment bon dans ce jeu-là. Les C'est vrai. contrôles, ils marchent super bien, contrairement à d'autres avant. Puis Super Metroid, il y a plein d'affaires que je préfère dans Super Metroid à Dread, mais comme les contrôles sont chiants dans Super Metroid. Tu pèses sur Select pour changer ton arme, puis... Ben Ouf. oui, Select pour Select Your Weapon. Mais oui, mais... 100% Même. logique. De quoi tu parles, Blob? Je sais, mais c'est comme un petit peu plus long que juste utiliser les quatre trigger buttons qui ont chacun un truc dessiné dessus. Aucune idée de quoi C'est tu sûr que dans le temps, il parles. n'y avait pas d'autres Ouais, il devait choix pas en parce qu'il n'y avoir avait pas quatre quatre trigger shoulder buttons non buttons, il y en plus. avait Ben juste oui. deux. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. je peux pas chialer. C'est juste comme au moins Metroid Dread, c'est une évolution naturelle, c'est plein de bonnes nouvelles affaires. Ça déplace comme pas nécessairement les anciens non plus, là. Comme il y a des affaires un peu ordinaires qui sont dans le jeu. Fait Les quelqu'un sections que tu te qui. fais courir après, c'est comme ça brise le rythme. Fait quelqu'un qui jouerait à Metroid pour la première fois. Tu vas pas. Est-ce que tu vas dire genre, ah ouais, non, faut que t'ailles jouer celui sur Super Nintendo, ou un joueur d'aujourd'hui, tu lui dis non, tu vas jouer à Metroid Dread parce que tu. Pour quelqu'un qui connaît pas la franchise, ça serait pas une bonne idée de commencer par le vieux parce que les contrôles sont trop bizarres. Ben, si la personne est comme moindrement expérimentée avec ce type de jeu-là, Ouais, comme des ok. jeux d'action, elle peut. Il est Mais pas mettons si quelqu'un dur qui que est ça, pas un qui rétro gosse un peu. gamer, là. Ce serait, c'est genre, non, c'est joue le nouveau. Ouais, ben oui. Oui. Puis même à la limite, il y a des gens qui ont joué aux anciens qui ont de la misère à jouer au nouveau parce que ça s'inscrit pas dans leur tête que tu puisses viser à 360, mettons. Comme ils veulent pas apprendre les nouveaux moves, mettons, puis c'est un peu nécessaire. Ceux qui rushent beaucoup avec le jeu en partie, c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être parce qu'ils ont joué aux anciens, ils sont un petit peu carrés, puis sont habitués comme que tu tires par en avant, puis c'est tout, mais le jeu il est pas designé comme ça. Faut que tu l'acceptes, faut que tu te serves des outils. Si tu le fais pas, ben tu te mets beaucoup de bâtons dans les roues, là. Fait que, il n'y a pas de réponse définitive, mais je pense que si en règle générale t'aimes les jeux d'action, tu vas y trouver ton compte, là. Forcément, c'est un assez bon jeu, là, quand même. C'était du gros fun. Bon. Là, sinon, il y en a un que je pense que là, il faut absolument qu'on en parle. Ouais. C'est parce qu'on a collectivement joué à Troc Pogné dans la Bouette. Est-ce Yay. que Troc Pogné dans la Bouette, c'est dans nos jeux de l'année? Ça pourrait être comme la catégorie surprise de l'année, genre agréable surprise de Ouais, mais ça. l'année. Jeu qui a dépassé nos attentes. Ouais, mais je pense, je rajouterais même dans la catégorie jeu que, comment dire, jeu que je savais pas que j'avais de besoin, mais à ce moment-là, c'est ça que j'avais de besoin. Wow. Parce que comme, t'es comme vers le milieu de l'année, puis j'étais comme, je sais pas, Ouais, on j'étais avait de quoi de en chill mode aussi. en humeur 2021 là, une Ouais. espèce d'humeur de marde un peu tout le long là. Puis c'était genre comme ah, Troc Pogné dans la Bouette, c'est le highlight de ma semaine parce que c'est pas compliqué. J'avance, je suis pogné dans la Bouette, puis il faut que tu c'est lent. C'est lent. C'est le jeu qu'on avait besoin. On avait besoin de lenteur en 2021. D'arrêter de courir tout partout comme des épées. De dire genre, ah, je veux juste rouler dans la bouette. Et Ouais, puis là. t'es puni pour avoir essayé de prendre des raccourcis souvent. Faut que Ouais. tu prennes la route qui est lente avec des flaques d'eau, puis qu'il y a des arbres autour, tu vas être correct. Tu ne coupes pas dans le bois ou s'il y a des roches. Ah non, jamais. Oh là. Jamais. Vaut mieux rouler dans la boîte que d'essayer de couper des arbres pour faire un raccourci. Il y a un bon tracteur de cachet là-bas, mais il a l'air loin. Va le chercher avec ton petit short cheap. Il va être mieux. Essaye pas d'amener les bûches avec ton short cheap. Ouais. Ouais, c'est vraiment un jeu méditatif au sens où c'est ça t'apprend à, genre y aller une étape à la fois, ne pas sauter d'étape, prendre le temps qu'il faut, puis ouais. Comme tu Mettre le peux un petit peu différentiel. quand t'es sûr de ce que tu fais, puis Ouais. t'as étudié, puis t'as Mais c'est ça, vraiment faut le que tu bon truc. l'apprivoises. C'est Tu ça. peux pas juste penser que oh ouais, je sais ce que je fais là, puis partir droit sur une pin là. Puis Ça de passe fait, site, je connais mon truc. faut au lieu de toujours rouler à full pin, c'est genre Ouais. non, je vais me mettre en première, je vais y aller bien lentement. T'es obligé de ralentir pour faire les Je vais choses comme faut. rouler bien lentement dans la boîte, mais au moins je vais pas full spinner puis gaspiller de l'essence. Ouais. C'était. C'est bizarre parce que c'est comme un jeu relativement stressant, mais relativement détendant. Méditatif, ouais. C'est ça. Ouais. Parce que c'est stressant, là. T'es tout le temps comme, tu sais, les mains un peu tendues sur la manette, là, pour comme, genre, oh. Oh, ok. Ok, on va se dépogner, tu sais, j'ai mon truc qui est un peu tombé, puis je suis comme, oh, si je recule, t'amènes ton autre truc. T'sais, pis là, les concours qu'on avait fait, là, où c'était comme le Oh premier God. qui se pitche dans le Qui se crissait dans le lac. volcan, là. C'est-tu que j'ai eu trop de fun, C'était cette vraiment, vraiment le fois-là. fun, Il y avait du monde qui travaillait pendant ce temps-là, mais. Le premier qui se pitche dans le lac. Comme dit Gab, c'est vraiment étonnamment plein de drama. Mais tu vois, comme c'est du drama qui aurait pas si le jeu était pas un pacing tranquille pour laisser le temps au drame de se développer pour qu'on puisse le savourer. Ben oui, c'est comme ils disent. L'humour, c'est du drama plus du temps. Le Vrai. truc payé dans moi, c'est du drame longtemps. C'est du timing. Puis c'est Mais pour ça ça que. t'apprend aussi à affronter le drama parce que des fois, t'es tiré d'affaire, mais tu le sais que ça va quand même te prendre 7 minutes et quart sortir du trou. T'es comme, tout ce que j'ai à faire, c'est ne pas lâcher le gaz, je le vois que j'avance puis que je vais me déprendre. Puis là, t'es comme, c'est stressant, j'ai l'impression que je vais rester pris, mais tu peux pas rester stressé 7 minutes et quart. Fait que t'es comme, bon ben, je vais le tenir, mon gaz. Ça. Je vais relaxer. Ou juste dire comme bon, ok, j'ai été jusque là-bas, dans un chemin rempli d'embûches. J'ai ramené une bûche juste avant. Je l'ai ramené au poste. Yes! Et là, faut que je refasse ça 3 fois. Mais la satisfaction est là. Genre justement parce que c'est étiré puis c'est lent puis que ça demande un certain niveau de skill aussi, parce que tu peux pas faire n'importe quoi n'importe quand, parce que sinon Ouais. t'avances pas, genre. Fait que même si tu le fais bien, c'est quand même long, fait que c'est satisfaisant, genre. Je sais pas si C'est étonnant. comme le fait de Le le refaire bridge. 3 fois, peut-être je préférais jouer à plusieurs où est-ce que genre chacun on faisait le chemin une fois, fait qu'au total on l'avait fait 3 fois, Ouais. c'était plus t'sais, j'aurais pas eu la patience, mettons, mais clear une map avec vous autres, c'était le fun. Puis là, Gab nous vient de me faire penser d'un truc très important qu'il faut mentionner. C'est le fait que Blob s'est pratiqué full pendant une semaine Sans nous après qu'on ait entendre. joué la première fois pour pouvoir nous planter Non, il a puis développé être des bon. stratégies. Non, mais je me trouvais tellement mauvais que je voulais Aussi, faire j'étais les pas challenges au moins, puis j'ai aimé assez ça que j'ai pogné dans toutes les challenges, je les ai faites à 100% 3 étoiles. Sauf que ça m'a donné des trucs après, là. Je pense qu'avant de jouer avec vous autres, j'ai fait un challenge, puis je l'ai pas réussi parce que je suis restée poignée dans la boîte. Puis c'était tout, c'est mon expérience solo. Moi aussi, je n'ai fait un ou deux, C'est le puis parce qu'il était premier que je suis super pris. tough. Je fais Puis, OK. mais ouais, moi j'aimais bien le clash entre la première semaine. Hey Blob, viens jouer avec nous autres! Ah, oh, Blob, il fait un peu n'importe quoi, reste pogné dans la boîte. Ha ha! Puis la semaine d'après, Blob conduisait deux trucks en même temps avec une corde entre les deux. J'étais Ouais, comme, what? mais What the ça fait partie des stratégies quand tu veux pas qu'il reste pris dans les rivières. Oui. C'était bien Ça trop. fait. T'étais rendu Galaxy Brain, là. Nous autres, on était encore à genre. Nous autres, on Transporte la était. bûche avec mon Parce truck. qu'il y a un challenge là-dessus. Genre, il t'oblige comme à faire ça. Parce que là, t'en as un qui veut rester pogné dans la rivière. L'autre, il est à moitié sur la plage. Fait qu'il est capable de pousser dans le derrière de l'autre. Puis quand l'autre commence à être sur la terre, lui, en arrière, il est dans la rivière. Fait qu'il tire avec le winch en même temps. Puis comme quand tu fais ça, le jeu, il pilote. Toi, tu chauffes le truck d'en avant, mais le jeu, il pilote celui d'en arrière comme s'il y a un gars dedans. Comme, il te suit un peu, là. Tu peux peser sur le bouton du winch pour essayer de donner du gaz à lui d'en arrière. C'est comme un mode de conduite. Mais comme le jeu ne te l'explique pas si tu fais pas le challenge nécessairement. La map déluge, là, si tu Oh connais pas ce non. truc-là, est un peu difficile, là. Fucking Fucking map map déluge. ouais. Bon, là, par exemple, C'était le fun. faut qu'on embraye. Qu'on embraye. Ha Ah, ha ha ha active le différentiel, on passe en troisième vitesse. Et 4 par 4 Non, je à suis pas part sûr que tu ça. peux faire le différentiel puis la troisième vitesse en même temps. Qu'est-ce T'as que. rien Ah, appris. oui, T'as ça rien appris, marche. Narf. Ah, je sais, là, je sais. Oui, ça marche, mais pas en automatique. Fait que, Faut c'est se quoi mettre nos en autres. 1+, puis là, il te dit pas t'es dans quelle vitesse. Ok, on a compris qu'on a aimé truck pogné dans la boîte, surtout Blob. À J'ai part joué cette ça, semaine. pour vrai. Ouais, j'ai décidé de refaire toutes les maps, ben, incluant il y en a que j'ai jamais essayé. Je vais faire toutes les maps en utilisant seulement un équipement de le moins bon truck. Oh my God. Mais parce que j'ai découvert, puis ben c'est pas un gros stretch là, mais toutes les maps il y a des trucks à trouver dessus. Ouais. Mais sont toutes designées pour que les trucks à trouver soient suffisants pour finir la map. Fait que tu te mets un On Jeep commence poche, avec un cheat puis push. tu vas trouver tous ceux qu'il y a, puis t'es pogné avec ceux-là, mais c'est un peu ça le challenge, puis je pense que c'est pas si dur que ça pour autant que t'as un peu de patience. T'es pogné avec ceux-là, mais t'es pas pogné dans la boîte. Non. Puis en plus, le jeu, Ben. l'autosave, fait que si t'as fini pas, tu continues la prochaine fois. À part ça, mettons Anne-Marie, t'as-tu un jeu à nous jaser? Tu sais, en Qu'est-ce que t'as parlant d'autre sur ta liste? de c'est 2021, on a l'impression qu'on n'a pas joué à grand-chose. On a l'impression que l'année a passé dans un clin d'œil ou que l'année a duré 3000 ans. Vous rappelez-vous, Les deux. c'est ça, vous rappelez-vous à quoi que je jouais, moi, au début de l'année? Cyberpunk. Ah, Ah, ben ben oui, c'est oui! vrai. C'est cette Mon année, Dieu! ça! Ça file, genre, le Cette 1000 ans. saga, tu nous en as Mais. parlé pendant Ben oui. tellement longtemps. C'est pas Cyberpunk 2017? Ça file tellement, genre. Mais c'est fou parce que ça a été comme un gros. J'ai l'impression que le discours global, puis les médias, puis tout, en ont quasiment plus parlé avant qu'il sorte qu'après qu'il soit sorti. Ben, après qu'il soit sorti, il y a eu tout le shit show de genre, il roulait pas ses PS4, puis il était plein de bugs. Mais comme. Il y a comme, on dirait qu'il n'y a pas vraiment eu de critique ou de grosses discussions autour des thèmes, autour du scénario, autour du open world, la façon qui a été gérée. Comme, c'est fou à quel point genre la discussion était vraiment centrée sur comme le fait qu'il était rushé puis qu'il était tout pété, puis les discours économiques autour du fait qu'il était retiré du PlayStation Store, puis ces affaires-là. Mais il y a comme eu aucun post-mortem sur genre, c'était-tu un bon jeu C'est ça, finalement? Ouais, hein, pas hein? vraiment. Ben, il y en a, là, mais, Ben, c'est parce que je tous veux les dire. reviewers, ils l'ont tous joué pendant qu'il était plein de bugs. Fait que Ouais, c'est comme, aussi. ben là, c'est dur à dire. Puis là, maintenant qu'il est tout fixé, les reviewers, ils vont pas aller rejouer le jeu. Fait que c'est comme. Ben, je suis pas sûr qu'il est tout fixé. Je me surprendrais qu'il soit tout Je fixé. sais pas. En Mais il fait, était supposé sortir du DLC en c'est ça 2021 que pour tu nous Cyberpunk. disais. Tu nous promets, tu nous disais, genre, ah, ils vont tout fixer les bugs, là, ça va prendre 6 mois, puis dans 6 mois, le jeu va être bon. Mais Ouais, mais là, j'ai pas joué. ouais, De toute c'est façon, je ça. l'ai fini. C'est exactement comme les reviewers, tu sais, j'ai joué quand il est sorti, puis je l'ai fini, fait que j'ai pas joué. Puis ils ont pas sorti de nouveau contenu. Ils étaient supposés sortir un gros DLC en 2021, mais ils ont pas eu le temps parce qu'ils ont passé leur temps à régler des bugs, tu sais. À fixer des bugs, Fait c'est que... vrai. Qu'est-ce qui se passe avec Cyberpunk? Ben, dans le fond, comme pas grand-chose, c'est ça, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui a été fixé. Ben, sûrement comme tous les bugs qu'ils ont pu trouver, mais comme il y en avait tellement... Puis mon opinion à moi, ben, quand même, est totalement figée dans la glace de quand j'ai joué, quand le jeu est sorti. C'est tout, parce que c'est là que j'ai joué, puis j'ai fait le tour, puis j'ai fait toutes les endings aussi, fait que j'ai pas vraiment d'incentive à Ouais, t'avais recommencer. même pas de. Ouais, non, c'est ça, là. Ouais, c'est ça, moi, je me suis tapé toutes les... Ah, il y a une critique de 10 heures de Tim Rogers. Pas étonné. Des durées normales. Une petite critique de Tim Rogers. Elle Excellent. dure juste 10 heures. En plus, ouais, il y en a peut-être déjà parlé, Gab, puis probablement je l'ai mis en watch later, puis je l'ai jamais regardé. Tu peux finir le jeu plus vite qu'il D'un critique. coup, t'as un petit 10 heures. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est... Comme, j'avais beaucoup, beaucoup d'opinions puis de feelings à propos de Cyberpunk quand je l'ai terminé, mais c'est vrai que, comme, 12 mois plus tard... Ça t'a pas marqué plus que Pas ça. plus qu'il faut. Mais ça m'a marqué. On dirait que ce qui m'a marqué, c'est justement toute l'espèce de tornade de merde qu'il y a eu Ouais, autour. ben ouais, non, c'est Ouais. évidemment. Plus que le jeu lui-même. Mais en fait, je trouve que. Fait que la critique de Anne-Marie, Cyberpunk 2033, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Non, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont voulu faire C'est avec le scénario. Puis... 2054 en passant. C'est vieux. Oups. Même pas. Même pas. Ça, c'est Blade Non, c'est Runner, je pense. 2033. Non. 2033, c'est Métro. Ouais. Ah, ok. Là, C'est c'est Cyberpunk. 2054, c'est Blade Runner. C'est quoi le petit chiffre de Cyberpunk d'abord? 2077. 117? Non, 77. 77. Ah, 2077. On va l'écrire comme faux, ce coup-là. Ouais. OK. 60 comme sexagintuple espresso. Ah, Mais ouais, Inside mais joke, on fallait être dirait là. que je réalise que j'aurais aimé ça avoir des post-mortems sur le scénario, puis j'en ai pas vraiment eu parce que J'avais vraiment beaucoup de feeling à propos du scénario, de la façon que ça a été écrit. Les scénaristes de CD Projekt Red, c'est vraiment des bons scénaristes. Witcher 3, c'était écœurant. Puis il y avait vraiment plein de belles choses dans Cyberpunk, mais de la façon que ça a été développé, puis la façon que ça a été rushé à la fin, ça paraissait un peu dans le pacing du scénario, ou même, en fait, c'est dur de dire, parce que c'est peut-être une question que c'est un jeu open world, parce que le pacing était weird, parce que, notamment, j'ai fait quasiment 100% du contenu open world en dehors de la quête principale. Fait que ça veut dire que j'ai passé des heures et des heures et des heures à, genre, ramasser des collectibles puis faire des gugus pour du monde random, ce qui a allongé le jeu, mais qui a aussi fait que la quête principale a comme un peu perdu son souffle. Fait que tout ça, c'est super intéressant, mais c'est ça. Puis j'ai pas joué beaucoup aussi. Ce qui arrive, c'est que j'ai joué à très peu de méga gros jeux open world qui sont sortis dans les dernières années, qui souffrent déjà probablement toutes de ce genre de problème-là, d'essayer de conserver leur pacing à travers tout le contenu, puis le courage après, tous les collectibles que tu peux faire. Fait que j'ai pas beaucoup de points de comparaison, en fait, de ce genre de style-là, qui est rendu super ubiquitaire, qu'on voit partout, mais qui est juste pas le style qu'on joue au podcast ici, là, comme, tu sais... Te souviens-tu comment j'avais décrit Spider-Man sur PlayStation 4, comment il avait fait le rythme là-dedans? Parce que j'ai Non. l'impression que Cyberpunk ont peut-être pas fait ça. Dans Spider-Man au PlayStation 4, tu fais un bout d'histoire, puis là tout d'un coup ça unlock des quests partout sur la map de collectibles puis de whatever que tu veux, qui ont rapport avec ce qui vient de se passer. Si tu les fais pas tout de suite, c'est pas grave, tu peux continuer l'histoire, mais quand tu vas avoir fait un autre bout d'histoire, il va se rajouter une nouvelle couche. Si t'as fait toutes les anciens, à un moment donné, t'as comme tout fait, t'es obligé de continuer l'histoire, mais t'as pas fait 80 heures, où tu viens de faire comme plusieurs side quests, mais bon. Puis là, tu continues l'histoire. Puis là, ah, plein de nouvelles side quests, pas obligé de les faire, mais tu peux toutes les faire. Si t'es fait toutes pas si long que ça non plus, t'es obligé de continuer la quest principale, parce qu'il y a plus rien d'autre. Fait que tu peux pas juste faire les Ah. side C'est quests ça. pendant 80 heures Ouais, puis je me finir rappelais pas que t'avais mentionné ça. Tu vois, Witcher 3, il marche un peu plus comme ça. là. Cyberpunk, c'est que ça se passe dans une ville. Fait que pendant un bon bout de temps, t'es vraiment très limité. Puis un coup que ça ouvre, ça ouvre. Puis là, tu peux tout faire. Ouais. Puis tu vois, c'est un choix. Puis je sais pas si c'est tant un bon choix. Mais comme, ce qui arrive, c'est que j'aurais pu mieux me pacer aussi. Mais le problème, je trouve, avec ce Mais le genre de jeu jeu-là. t'a laissé de faire. Le Mais c'est parce jeu que tu le t'a sais pas, laissé de t'es faire. rendu où non plus dans Main Quest, là? Genre, a fini-tu bientôt? Ou j'en ai encore pour des heures ou des heures? Fait que genre, tu sais, c'est ça, tu sais pas comme, ok, je vais faire une étape de la Main Quest, puis après ça, je vais faire des side quests, une étape de la Main Quest. Mais comme des fois, t'es comme, peut-être qu'on finit bientôt, ou peut-être qu'il m'en reste beaucoup. Ou genre, justement, quand tu reçois l'espèce de. Parce que oui, dans Cyberpunk, à un moment donné, t'as un message de genre, ok, ceci est un point de non-retour, là. Mais si t'as décider de pousser à plus tard toutes les side quests à ce moment-là, mais que tu souhaites les faire, probablement que c'est genre c'est très possible que tu frappes ce moment-là, puis que là t'ailles pour 40 heures de side quest à faire. Avant de retourner voir la madame qui a un message qui dit ceci est un point de retour. Fait que c'est ouais, c'est variable. Ça dépend vraiment comment toi t'as géré ça, mais comme c'est dur de. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Puis t'es pas obligé de faire tout le contenu. Puis encore là, comme une autre affaire dans ce genre de jeu-là. Puis je sais pas pour Spider-Man, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeux open world que ça paraît que, mettons, l'équipe de rédaction des quêtes principales, l'équipe de rédaction des quêtes secondaires, c'est pas les mêmes. C'est pas toutes les quêtes secondaires qui sont écrites par la même équipe de rédaction. Fait que l'intégration est pas tout le temps la même et la qualité est très. Puis là, c'est sûr, je parle du scénario parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais même la qualité du gameplay ou ces trucs-là, comme. Est très en dents de scie, puisqu'il va y avoir des quêtes de qualité incroyable, puis il va y avoir des quêtes que t'es comme, tu sais, que j'aurais vraiment pu m'en passer là-dessus. Je vais faire des fetch quests pendant 2 heures pour un gun. Ok, cool. J'en ai plein d'autres guns. Ça, ben, tu le sais jamais. Tu sais pas à quoi Fait ça que t'arrive, là, mettons. mais là, ce qu'on Mais veut c'est savoir, ça, c'est un. Anne-Marie, c'est est-ce que Cyberpunk, c'est dans ta liste des jeux de l'année? Ou c'est dans juste C'est un jeu qu'il y a les eu en jeux? 2021. C'est définitivement un Oui. jeu que j'ai joué en 2021. OK. All right. Sinon, qu'est-ce qu'on Ah, a tu d'autre? vois, Jackie, elle a vraiment un bon point en plus, puis ça arrive, puis ça, je suis en train de rencontrer ça dans Final Fantasy XIV en ce moment. Que des fois, il y a des quêtes que si tu fais pas le contenu pendant qu'il est pertinent, après ça, tu te retrouves à interagir avec des NPC qui sont morts. Puis ça, c'est un peu Nice. weird. C'est Il y a un des peu affaires de trash. même dans Genshin Impact, mais qui font pour aucune raison. Ah ouais? Des fois, ça dit, ah, ce NPC-là, il est occupé. Oh Mais oui! comme, pas vraiment occupé, là. Comme, vous auriez pu vous arranger que je puisse y parler pareil. Il n'y a pas un vrai conflit. Vous avez juste décidé que c'était plus facile d'organiser le timing de même. Ouais, c'est vraiment drôle Il y dans a comme, Genshin. On dirait qu'ils sont comme il y on a veut du pas. back-end qui aide quelqu'un à travailler sur ses affaires, puis tant mieux pour lui, mais que ça cause des affaires bizarres pour les utilisateurs. Genre, oh, mais là, ce NPC-là, il est occupé, mais hey, non! Moi, j'avais l'impression que c'était genre, mais là, on veut pas briser ton immersion en faisant en sorte que ce NPC-là, il est debout, genre, à deux endroits complètement différents de la map. Mais c'est comme. Mais ces deux endroits-là sont si loin que ça serait quand même logique que le NPC existe aux deux endroits en même temps. Il s'est déplacé en même temps que toi, au pire, là. C'est loin, là. J'avais l'impression que c'était ça. À chaque fois que Ouais, je voyais ça dans comme. Genshin, là, je pensais que c'était pour pas qu'il existe deux instances dans l'univers. Où ce gars-là, il est debout à quelque part. Mais c'est comme, non, mon immersion! Il y a apparemment ce problème-là pour les NPC, mais tu peux comme aller voir les personnages avec toi, ta version de ce personnage-là dans ton party, puis aller comme y parler. Ah non! Puis là, Fait tout que d'un ton coup, pouf, immersion. tu redeviens le main character le temps que tu y parles. Puis là, Ouais. pouf, ton bonhomme, il redevient le même bonhomme à qui tu es en train de parler. Fait que Puis c'est des des. fois, tu parles à quelqu'un qui est comme, il est où Bennett? C'est moi. C'est moi! Genre, je l'ai. Je suis devant toi. Je le joue. Non, Mais non, il comme est. pouf, il disparaît, puis C'est c'est ça. ton main character qui parle. Il était comme pas vraiment là. Mais Ouais. ça, c'est pas grave. Non. Quoi? Ouais. Genshin Impact, puis c'est des bizarreries, là. Mais Mais. est-ce que Ouais. Genshin Impact, c'est vos jeux de l'année? Moi, j'ai presque pas joué cette année. J'ai joué en 2020, mais j'ai presque C'est pas joué en ça, 2021. c'était dans Ouais. la liste de l'année passée, là. Ouais. Ça Moi, s'est j'ai sorti coupé l'année dernière. énormément, puis ben, je vais continuer, là. Ils vont sortir les autres pays, puis tout ça, mais je joue moins par semaine. C'est tout. J'ai fait l'event qu'il y avait présentement, puis c'était hot, mais. J'ai presque pas joué. Non, pour vrai, c'est-tu qu'on aurait rien joué en 2021? Non, mais. Moi, j'ai Là, tu peux faire joué. des photos avec un tanuki. Il veut Moi, visiter toute j'ai. la Terre, puis tu fais des photos avec. Vas-y, non. Moi, j'ai joué à un jeu qui feel vraiment 2020-2021. J'aurais Ouais. dû le jouer en 2020, mais je l'ai joué en 2021. C'est The Longing. Ah ouais. Ah, j'ai essayé ça aussi, mais j'ai comme The débarqué. Longing. Ah, ben, là, je te. Ben, il va t'attendre. Ouais, il m'attend. Ouais. Mais tu sais prêt, Exactement. il t'attend. The Longing, le Ouais, ben oui. jeu. Je l'avais dit parce que ils te font attendre pendant 400 jours. Puis si t'avais commencé The Longing au début de la pandémie quand il est sorti, t'aurais fini The Longing en même temps que tu reçois ton vaccin. Fait que je trouvais ça très Oh. à propos. Malheureusement, ce qu'on a appris depuis, c'est que les vaccins, finalement, c'est pas tout pour arrêter une Ouais. pandémie. Longing DLC. Et j'ai ben c'est ça. Fait que The Longing, je l'ai pas encore fini. Je sais pas si, j'y retourne des fois de temps en temps, je joue un petit peu, puis après ça ça part. Puis mais c'est un jeu qui feel très 2021. Puis pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Longing, c'est un jeu, c'est ça. Le roi te dit de, il va faire un petit somme, puis il faut que tu le réveilles à la fin de sa petite sieste. C'est juste que sa petite sieste dure 400 jours, et 400 jours de vrai temps de la vraie vie. 400 vraies Fait vies. que le jeu, quand tu le joues pour la première fois, le jeu part un timer de 400 jours, puis là, ben, faut que tu reviennes dans 400 jours. Ou tu peux t'occuper en faisant des affaires, mais c'est pas un jeu très excitant. Ton bonhomme marche tellement pas vite. Mais, tu sais, tantôt, je parlais de Truck Pogné dans la boîte comme étant c'est un bon jeu pour ralentir. Ouais, mais Ben, c'est ça que je me The demandais. Longing, c'était ça aussi, là. C'est-tu Comme. méditatif aussi, dans le fond? Ouais. Tu sais, les quelques fois que j'ai joué. Au début, je jouais comme il faut, puis avant la fin, je ne jouais plus comme faut, puis j'aurais pas dû, mais jouer comme il faut, ça veut dire jouer à The Longing, à être assis devant et jouer à The Longing. Jouer pas comme faux, c'est avoir mon téléphone dans les mains en même temps. Ou avoir trois fenêtres dans mon ordi, puis de faire d'autres choses, puis là, de revenir, puis là, je dire au bonhomme, OK, va-t'en à telle salle, puis là, tu sais que ça va prendre 20 minutes, fait que là, tu t'en vas faire d'autres choses, puis là, je suis sûr qu'il y a du monde qui Netflix and Longing. C'est sûr. Ouais. Puis c'est dommage, parce que je ne pense pas que c'est la bonne façon de jouer. Je pense que comme bien des choses dans la vie, des fois, on a besoin de ralentir et d'arrêter notre cerveau. Puis là, je dis ça, peut-être que c'est juste moi parce que j'étais en burn-out, en pré-burn-out, en phase de déni. Mais comme ça, à chaque fois que je jouais à The Longing comme il faut, c'est-à-dire en faisant pas d'autres choses en même temps, en faisant juste observer pendant qu'il marche pendant 20 minutes, je faisais ça durant mes pauses de dîner, là, de job, puis je revenais, puis après, j'étais serein, calme. Et c'est ça. C'est ça qu'on veut. Alors que, d'habitude, qu'est-ce que je faisais? Je jouais à, je sais pas, soit je jouais à DeLorean en faisant d'autres choses en même temps, ou, tu sais, quand je jouais, mettons, à Off-World Trading Company, qui est un autre jeu qui est très demandant, là, cérébral, c'est stressant. Ça devait pas m'aider pantoute à après ça, de revenir à la job pis c'est être prêt à entamer une, ben, à finir ma journée, c'est ça. Fait que, comme, c'est dur parce que c'est pas excitant. C'est pas comme, je suis pas en train de me dire, yes, j'ai hâte de retourner jouer à The Longing. C'était genre, j'aimerais vraiment ça voir la fin, mais comme, est-ce que ça va être long? Mais t'as-tu une satisfaction quand tu découvres des nouvelles affaires, mettons? Oui. Ah, okay. Oui. Il y a une satisfaction, mais c'est long. C'est comme, c'est la satisfaction de faire du tricot. C'est la satisfaction de faire de la méditation. Tu sais, ou de faire du yoga. À chaque fois que je me dis, bon, c'est le temps de faire mon yoga ou s'il faudrait que je fasse de la méditation, je suis tout le temps comme, ah, ça me tente pas. Je me traîne les pieds quasiment pour y aller. Puis à chaque fois que je termine, je suis comme, ah, ouais, c'est tellement bien. Je voudrais que je m'en rappelle que ça me fait filer bien à chaque fois. Mais The Longing, c'est un peu ça. Fait qu'il faudrait que je me rappelle que ça me fait filer bien à chaque fois puis que faut que je résiste à la tentation de faire d'autres choses en même temps. Mm-hmm. C'est l'équivalent du jeu vidéo de regarder un feu. Je pense que The Longing a un certain problème justement avec le fait de regarder un feu, c'est que le jeu a un style indéniable qui fonctionne, qui marche avec les thèmes puis la mécanique puis comme tout ça puis s'ennuyer puis tout ça, mais il est pas vraiment beau, pas vraiment fascinant à regarder. Tu sais, tu penses que ça serait plus facile pour être un peu plate et drabe pour le feeling, pour ouais, c'est très bonne décision, mais t'as pas le goût de t'asseoir devant parce que pendant que ton bonhomme se promène, c'est pas comme si tu vois du paysage intéressant avec des petits insectes qui se promènent, puis des rayons de soleil à travers le cristal de la caverne. Puis comme, il y a un peu de décoration, mais sinon, c'est brun. Ben, c'est brun, mais c'est brun dessiné à la main. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a une certaine beauté. Ben, mais t'as pas envie de regarder les flammes danser, les affaires bouger. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est une décision qui est comme bonne, mais elle fait que t'as pas envie de regarder. C'est vrai que l'ambiance est faite pour être déprimante, parce que comme... Mais le comment il s'appelle le petit bonhomme, le snitch, le... Je me rappelle plus. Le petit bonhomme, là, le the suit, la suit, c'est un synonyme de suit. Ah ouais, comme, c'est ça. De la suite de foyer, là. Un sort. De la cendre. Je pense, ouais. Fait que, tu sais, il est bien dépressif au début, mais plus ça va, plus il sourit. C'est jamais beau quand il sourit, mais comme ses pensées deviennent plus intéressantes, deviennent plus, tu sais, au début, t'as l'impression qu'il va aller se suicider tellement que, genre, t'es comme, ah, oh, c'est donc ben plate. Puis tu sais, fait qu'il y a... Il y a une progression. Ouais. Il y a une évolution dans le personnage. Je m'étais pas rendu là. En C'est décorant ta intéressant. maison, puis en... C'est ça, tu peux décorer ta caverne. Puis, tu sais, moi, malheureusement, je me suis bloqué, puis il a fallu que j'aille sur Internet pour trouver... Il y a un outil que j'avais besoin qui est très, très important dans le jeu et que j'ai, on va dire, égaré. Et puis, il y a moyen d'en trouver d'autres, mais j'étais comme... Je savais pas comment, puis... Ça m'a, j'ai gossé vraiment longtemps, puis à un moment donné, j'ai checké sur Internet pour des indices. T'as pas pu retrouver Ça, celui que t'avais après égaré? ça m'a permis de tu sais, ça, c'est quasiment, tu peux explorer deux fois plus avec cette chose-là. Fait que, non, c'est un bon jeu. C'est particulier. Moi, je le mets dans ma liste des jeux de l'année, Ouais. mais c'est sûr que c'est particulier, là. C'est comme une bière IPA. Ça fait mal. Mais j'aime pas ça de la bière IPA, mais j'imagine que ceux qui aiment ça, c'est parce qu'ils aiment ça le goût amer dégueulasse. C'est comme genre. C'est un peu comme une torture, mais tu finis par t'habituer et aimer ça. Ou dans mon cas, c'est plus comme l'alcool fort. Comme l'alcool fort, j'ai jamais tendance à vouloir aimer ça. Mais comme ah, tu sais, à La force petite d'en prendre, je dose. vois les nuances. Je fais, ah, ça ça goûte bon. Ou passer la deuxième gorgée, mettons, là, parce que les deux premières, ça fait juste râper. En tout cas, vous avez compris mon image, je pense. C'est comme je me sens désinfecté. Où est la saveur? Oh, c'est un peu ça. Ah, oh, man, j'ai pas parlé dans le segment bouffe. Ah, oh, mais je garderai ça pour Il une était autre fois. offline, le segment bouffe, là. En tout cas. Ouais. Mais la semaine passée, dans nos trucs de Noël, j'aurais dû parler de ça, mais prochaine fois. Fait que. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai comme... On a une pause, je pense. Ah, c'est Ah, on vrai, peut hein? prendre une petite pause, ouais, c'est Ça, vrai. on est proche de la fin, mais comme c'est correct, on le OK. mérite pareil. De retour de la pause. De retour. Bon, faut que je remonte le micro. Oui. Ouais, moi, je voulais parler un peu de, je pense, l'évolution, puis de d'où ça vient. En tout cas, pour moi, le manque de jeux cruel de 2021. En fait, j'ai l'impression que quand la pandémie a commencé, puis que là, ben, j'avais beaucoup plus de temps chez moi, puis beaucoup plus de temps pour gamer, on dirait que je me suis dit, ah, oh, mais là, faut que j'en profite. J'ai du temps chez moi, j'ai du temps pour gamer. Comme je peux pas aller nulle part anyway, fait qu'il faut que j'en profite pour clencher des gros jeux que j'ai pas eu le temps de clencher, tu sais. Puis en 2020, j'ai clenché un paquet de gros RPG qui prennent genre des dizaines et des centaines d'heures. Comme. Genre, je suis comme fière de moi, là. Comme j'en ai vraiment. J'ai clenché Witcher 3, j'ai clenché Fire Emblem Three Houses. Je suis Ouais, pas je trop me plus fière que d'autres. souviens. Mais. Cette année, t'as joué beaucoup à Cyberpunk. Ben, au Parce début, que c'est ça, parce que tu j'ai nous en as clenché parlé Cyberpunk. longtemps, là, de Cyberpunk, J'ai clenché plusieurs Final semaines. Fantasy XV aussi. Pas celui qui est un MMO, là. J'ai Party de passé vraiment... saucisse. Ouais, le Party de saucisse, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures dessus. Puis on dirait qu'après ça, comme... J'ai peut-être eu mon fil, genre, de gros, gros, gros jeux. Puis c'était le retour du balancier. Puis aussi, je pense que c'est l'idée que... T'sais, on pensait pas nécessairement que la pandémie durerait longtemps. Fait que là, au début, j'étais comme, OK, faut que j'en profite, là. Je serai pas tout le temps chez nous, tranquille, à pas pouvoir aller nulle part. Fait que, C'est faut que je fasse vrai. le maximum, t'sais. T'sais, au Vrai début de la que. pandémie, là, le monde a découvert, comment faire du pain, là. T'sais, tout le monde est comme, je suis chez Oui. nous, faut que j'en profite. Genre. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un peu, genre, cette espèce de genre, oh my god, j'ai du free time, là. Genre, faut que j'apprenne une nouvelle langue, puis que je fasse mon propre pain, puis que, genre, je tricote, puis t'sais. Mais là, comme, ça s'est comme essoufflé, parce qu'on a passé tellement de temps en confinement que là, on est juste comme... Puis c'est ça, fait que ce que j'ai joué cette année, là, j'ai parlé de Minesweeper, puis il me reste Voxelgram, puis Love Nikki à rentrer. C'est des jeux comfort food. C'est des jeux... Mais c'est aussi, comme, c'est à la fois des jeux qui me font sentir bien, mais c'est aussi un peu des jeux pour dissocier. C'est ce qui est un peu plate. Je sais pas si vous êtes, comme, familier avec le concept de la dissociation, là. Mais je sais que moi, j'utilise Pas vraiment tant. beaucoup les jeux pour dissocier. C'est quand... C'est vraiment un concept Ouais, psychologique de quand... Pardon? puis non. Ouais, c'est ça, quand tu veux Non, pas je comme pense pas. affronter le maintenant puis le tout de suite puis le ce qui se passe là, c'est juste pour Ah, te sortir la ben... tête de... Tu sais, ce qui se passe en ce moment, ça t'aimerais juste ça pour pas avoir à penser genre Ouais, au le ma psy a maintenant un à autre l'état mot. présent puis ben Pour éviter... de l'évitement. ouais, c'est de l'évitement. Mais je pense que la dissociation, c'est pire parce que c'est vraiment ben ouais, faudrait vérifier c'est quoi la différence entre Comme... dissocier puis éviter là. Ben, dans... Moi, ma compréhension de l'évitement, c'est comme, mettons, faut que je passe la balayeuse. Fait que là, je vais aller niaiser sur mon téléphone pendant 4 heures de temps au lieu de passer à la balayeuse. Alors que j'aurais pu juste passer à la balayeuse puis après ça faire de quoi que j'aime pour Ouais. vrai ensuite. Mais Oui. non. Fait que là, j'ai perdu toute la journée à niaiser sur mon téléphone, à pas faire ni ce que je veux, ni ce qu'il faut que je fasse, à juste rien crisser. Ouais. En tout cas, ça, Ouais. c'est Puis il de y a ça. l'évitement. Puis moi, je C'est pas remarque. toujours négatif, par exemple. Puis Non, mais. il y a eu beaucoup de ça, c'est vrai. Ben, moi, je remarque que je le fais par contre quand, genre, quand les nouvelles sont mauvaises. Puis que je veux juste pas penser à. Genre, ou que je pars dans une spirale de, justement, de pensée négative puis de pensée noire parce que ça va mal dans le monde, les nouvelles sont mauvaises, le COVID, ça finira jamais, ça va nous prendre 8 boosters, puis tout le monde est prêt à C'est mourir vrai. dans un pays dont personne n'entend parler, ou est-ce qu'ils disent non, non, tout va bien, genre l'Afrique, ou, tu sais. C'est vrai que l'année a commencé, puis on était plein d'espoir parce que là, les vaccins venaient d'être annoncés, ça s'en venait. Tu sais, les mars, c'est comme on commence les campagnes de vaccination en massive. Moi, nous autres, on l'a tout eu comme en mai, je pense. Après ça, le deuxième en juillet. L'été, ça allait pas pire. On était comme genre plein d'espoir. On était donc plein d'espoir. Nos espoirs Que ont genre, ah, pété les de coche à vaccins chaque fois. vont nous sauver. On a une autre 2 doses, c'est correct, on peut aller voir nos amis. Et là, l'hiver est arrivé, puis là, ça l'a pété. L'école a recommencé, puis ça a été une nouvelle vague, puis là, on a réalisé que ça allait prendre une troisième dose, puis que. Qui allait reconfiner. Puis là, c'est ça, tu sais. Puis nos espoirs se sont fait écraser tellement de fois que, genre, on dirait que les gens, là, sont comme plus sûrs, de genre. Tu sais, les gens veulent plus être positifs, mais c'est normal, tu sais, c'est normal de. À chaque fois que t'es positif, que tes espoirs se font crush, ben, comme à un moment donné, ton cerveau, il apprend que ça servait à rien d'avoir de l'espoir pis On d'être devient positif. C'est fataliste. ça. Fait que, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis, fait que, c'est ça. Je pense que cette année, j'ai joué beaucoup à des puzzles qui occupaient mon esprit pour m'empêcher de penser à d'autres choses, tu sais. Qui était pas en train de me challenger ou de me présenter des idées morales intéressantes ou des réflexions intéressantes, juste comme des chiffres, des mines, let's go. Fait C'est que vrai, hein? dans cet Parce que moi, ordre je d'idées-là, regarde... super négatif, oui. Moi aussi, c'était Subnautica, The Longing, et puis après ça, c'était Off-World Trading Company, puis là c'était l'été, et là, ça a fait... Ouais. Puis là, ma vie s'est écroulée, je tombais en burn-out, puis toute la patente. Puis j'avais arrêté de jouer complètement rendu là. Comme, j'avais... C'est pour ça, je faisais ma liste des jeux de l'année, puis j'avais rien. Je regardais, je passais, je défilais les feuilles de route pour trouver c'est quoi c'est que j'ai joué cette année, puis j'étais comme, mais voyons donc, j'ai oublié de les écrire? Non, c'est pas, Ouais. j'avais joué à rien, rien, Non. rien. On a passé beaucoup de temps C'est, à juste comme par, essayer de moi, cope. j'ai... En fait, je pense que c'est ça, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à juste essayer de cope avec la situation. T'sais, je regarde ma liste, puis les trucs que j'ai parlé dans le podcast, c'était beaucoup où est-ce que là, j'ai arrêté de jouer à des jeux, puis là, c'était des trucs comme... Girls with Slingshot, qui est un webcomic. On a parlé full de questionable content. J'ai full lu Parce que je Questionable pense que Content, ouais. tu l'as tout Ben, lu c'est ça cette aussi, je pense année. qu'après tous ces gros jeux-là pis ces gros RPG-là, j'avais peut-être besoin de passer à un autre média, là. Fait que ouais, j'ai lu beaucoup de webcomics. C'est quand même une grosse archive de questionable content que je me suis quand même tapé semi-vite là. Fait que ouais. Ah, puis je l'ai retout lu moi aussi en même temps que toi, là, fait que yes. Questionable content, ça c'est dans mes jeux de l'année. Ah ouais, tellement. Tellement. C'est vraiment une belle découverte là. Un gros merci là. C'est tellement un excellent webcomic là. Mais ouais, dans la catégorie head empty, no touch, just numbers and shit, j'ai joué à Voxelgram vraiment beaucoup. Je sais pas si il faut le parler au podcast. Voxelgram, en gros, c'est Picross 3D. C'est juste du monde qui ont fait le concept Oui. de Picross 3D sur Steam. Disponible sur la Switch aussi, mais honnêtement, je trouve ça vraiment plus évident avec une souris. Parce que sur la Switch, comme il marche avec le touchscreen, mais moyen, genre, en tout cas. Et il marche pas aussi bien que Picross 3D marchait sur la 3DS, en tout cas. mais j'ai genre vraiment, vraiment beaucoup d'heures dans Voxelgram, genre vraiment beaucoup. Tu vois, ça aussi, ça, c'était comme... C'est comme du tricot, là. Ouais. Faire du Picross, là. C'est comme... C'est C'est même pas juste. faire comme... C'est même pas comme faire des mots croisés, parce que c'est... T'sais, mots croisés, faut comme un peu que tu cherches des mots. Ça, c'est plus comme... Tu Mais c'est regardes des patterns, tu satisfaisant, fais... Ah. ouais. Mais c'est ça. Ça, C'est là... juste satisfaisant. On avait besoin de Juste ça le cette fun, année, je ouais. pense, hein. Puis, fait qu'en 2020, en termes de sur quoi je niaise mon téléphone, en 2020, j'étais tombée dans un jeu vraiment toxique, vraiment compétitif, qui était Les Concubines Chinoises, auquel j'ai joué Oui. vraiment, vraiment longtemps. Puis, en rétrospective, comme parce que j'ai joué avec une chum de fille vraiment cotée, plus je joue à Love Nikki avec la même chum de fille, puis en rétrospective, on est comme damn qu'on a mis ben trop genre d'énergie puis genre d'amour puis d'argent dans ce jeu-là qui était juste comme un cash grab compétitif là comme. T'sais, en rétrospective, on est comme est-ce qu'il valait vraiment tout genre l'intérêt puis l'implication qu'on a mis là-dedans comme. C'est sûr qu'on s'était impliqué beaucoup dans une communauté, tu sais, on avait une guilde, on avait une communauté de femmes où est-ce qu'on discutait tout le temps sur Discord puis tout, c'est comme si c'était. C'était intéressant, puis l'aspect compétitif puis tout, mais est-ce que le jeu valait vraiment. En valait vraiment la chandelle? Ben, genre, vraiment pas tant. Parce que maintenant, on en a trouvé un autre qu'on est comme, oh mon Dieu, c'est tellement mieux! Genre, c'est tellement moins un cash grab obvious, puis c'est tellement plus satisfaisant, puis il y a tellement plus de progression, puis de. Genre, c'est moins une corvée. Tu sais, à la fin, Concubine Chinoise, à la fin, là, c'était vraiment une corvée de devoir ouvrir mon téléphone à tous les jours pour faire 30 minutes de dailies. Mais j'étais obligée de les faire, sinon je perdais comme parce qu'on était compétitifs, tu sais. Fait que j'avais vraiment pas le choix de me taper toutes mes dailies tout le temps, sinon ça allait vraiment affecter mon ranking. Puis c'est ça, c'est le genre de jeu qui pardonne pas, là. Tout le monde est au maximum de sa game. Fait que si tu veux compétitionner, faut que tu sois toi aussi minimum au maximum de ce que tu peux faire dans la journée que le jeu va te donner gratuitement, mettons. Fait que, ouais, fait que je suis contente en 2021 d'avoir découvert un nouveau jeu de téléphone qui est le fun, puis que j'ai réellement envie d'ouvrir le matin. J'ai réellement envie de jouer. Fait que le jeu des concubines chinoises, ça c'est pas dans tes jeux de l'année. Ben, je sais plus quand j'ai arrêté. Non, mais je veux dire, c'est pas dans tes jeux préférés de l'année. Non. Mais je sais pas si j'ai Non. arrêté en 2020 ou en 2021, c'est plus ça l'affaire, là. Je sais pas si c'est un jeu de Ah. 2021, c'est plus un jeu de 2020, là, Ah. je Ok. pense, en tout cas. Puis, Mais non, c'est Love sûr que non. Nikki, lui, s'en est-tu un? Ben étonnamment, ouais, pour un jeu qui est quand même vieux, puis ils ont sorti une nouvelle version d'un nouveau jeu dans cet univers-là, comme un The Ripper cette année, puis que. Fait que ça prouve que Love Nikki, c'est quand même vieux. mais les reviews sont comme moyennes, puis j'ai pas joué, là, mais. Ouais, Love Nikki, ça serait comme mon jeu de téléphone de l'année. Puis tu sais, on parle tout le temps de trouver des jeux de crafting. En tout cas, ça, c'est Oui, peut-être du vieux lore qu'on a juste mon oublié, là. Dieu, Quand on cherche tout ça le temps des jeux de fait crafting, là. depuis 2015 que tu cherches. Ouais, c'est quand même un jeu de crafting assez satisfaisant, étonnamment, pour un dress-up game de petite fille cute, là. Le loop est réellement intéressant. Ah, mais non, non, non, c'est vrai. En 2015, ce que tu cherchais, c'était les jeux de marchand. Ouais. Être un marchand, avoir ton magasin. Ouais. Comme Swords and Potions. Ouais. Ah, Ne maudit, je sais parlons pas pourquoi, plus. là, ça m'est revenu. Ah, ça doit être parce que j'ai jasé avec Pruno, là. Mais, voilà une semaine ou deux, ça m'a pogné, là, puis j'avais envie de rejouer à Swords and Potions. Je l'ai pas fait. Mais j'avais envie. Bien. Fait que, ouais, c'est pas mal mes jeux comfort food. Voulez-vous en nommer d'autres? Moi, j'aurais comme une autre Moi, mention, j'en ai là. encore quelques-uns, Ouais, là. ok. On va accélérer. Oui. Blob. Ben, je me suis trouvé un nouveau fun qui est de faire des puzzles de Super Metroid. J'imagine que ça va dans le comfort food, continuer de jouer à Super Metroid pour aucune raison particulière, là, finalement. C'est comme m'accrocher à n'importe quelle raison de jouer à ce jeu-là, apparemment. Comme, Mais, je suis bien dedans, ça j'ai veut dire que je suis pas l'impression, le genre. seul. Parce que moi, là, juste pour dire, là, moi, je regardais les sujets que j'ai parlé. Tu me permets une minute pour lire la liste, là. Qu'est-ce que j'ai mentionné dans le podcast? J'ai rejoué et refini Universal Paperclip, un idle game. J'ai rejoué et fini le jeu des patates sur Mars. Ah ouais, Space Plan. Space Plan, ouais, Space Plan. J'ai rejoué à Borderlands 2. J'ai rejoué à Monument Valley 1 et 2 sur téléphone. J'ai rejoué à Off-World Trading Company. J'ai relu Questionable Content au grand complet avec Anne-Marie. Comme, j'ai plus... Non, ça serait exagéré, là. Mais comme, j'ai mis beaucoup de temps à rejouer des affaires que j'avais déjà finies juste pour le revivre tranquillement. Parce que je savais que ça allait... Je savais que ça allait être bon. Alors que, mettons, quand j'ai joué à... Qu'est-ce que j'avais commencé Shady Parts of Me, je mettrais pas ça sur ma liste de jeux de l'année. C'était comme... Ça, c'était comme... J'avais pas d'énergie d'essayer des nouvelles affaires puis d'être peut-être déçu. Je préférais rejouer à quelque chose que je savais ça allait être quoi. Quitte à être pas impressionné, mais au moins, j'allais pas être déçu. C'est ma philosophie. Ouais, mais excuse, Blob, j'ai pris plus que juste 30 secondes. Ah non, mais c'est intéressant. Je l'ai pas vécu tout à fait de la même façon, parce que ce que je faisais dans Super Metroid, c'était atrocement difficile, mais... ouais, faire tes puzzles, le truc, là, de trouver des manières de finir le jeu sans... Ben, il y a un gars là, qui avait mis des vidéos intéressantes cette année qui parlait de glitch que je connaissais pas. Puis après un certain temps, il a mis des puzzles. Puis au début, je les faisais pas. Mais le deuxième, il a dit, tu sais, si vous regardez ça puis vous pensez connaître la solution, là, essayez-le. Il y a des bonnes chances que vous avez pas pensé à certaines affaires. Puis là, je l'essaye. Puis j'ai effectivement rencontré des problèmes vraiment imprévus, là, comme... J'ai l'impression que je peux skipper beaucoup d'affaires dans Super Metroid parce que j'ai joué en randomizer, fait que ça me force à être créatif sur comment passer certaines salles. Puis je pense que le jeu finira jamais de me surprendre de comment tu peux rester pogné à des places avec comme pas les bottes pour sauter haut puis tu comme il va faire quoi. Puis... Je revenais tout le temps après ça à tous les nouveaux puzzles qu'ils mettaient, je me forçais pour aller les faire parce que toutes les fois je découvrais un nouveau truc, puis même si c'était une espèce de cochonnerie pixel perfect, je les jetais sur la Switch, fait que j'avais comme des save states à l'infini. Ah, pour vrai? Oh my god! C'est pas grave parce que le gars il sait, il mettait des puzzles trop difficiles d'une certaine manière. Parce qu'il savait que t'allais jouer avec des save states, puis t'sais. Mais c'était recommencer le même jump 300 fois mais en faisant ce l'idée, c'est que, de toute façon, il y a des champions du monde que eux, ça leur fait pas peur, puis ils peuvent le faire en real time, puis tout ça. Fait que c'était bon pour tout le monde. Si t'es capable de le faire, pas de save state, fais-le. Mais sinon, il n'y a pas de honte. Juste de découvrir par où tu vas passer, c'était le trois quarts de la job. De découvrir quelle espèce de truc de merde obscur que tu vas avoir besoin pour faire ça. C'était le trois quarts de la job, ou planifier la route exacte. Je me demande pourquoi Nintendo embarque pas là-dedans. Ou n'importe quelle autre compagnie, mais genre, cette affaire-là, où est-ce que tu parles des randomizers de... Bon, oui, il y a des randomizers dans certains jeux, mais... Est-ce que ça va être une trend? Est-ce que ça va être dans nos prédictions la semaine prochaine? Que genre, il y a des compagnies qui vont commencer à embarquer puis à prendre ça puis à rajouter ça dans leur jeu? Parce que ça coûte pas ben ben cher à faire une fois que t'as fait le jeu, mais... Il y a déjà une compagnie qui le fait, c'est... Oh wow, là j'étais comme full dedans. Puis Axiom Verge, c'est ça, Axiom Verge 2. Puis les autres, ils travaillent avec des speedrunners pour mettre au point leur randomizer, mais dans Axiom Verge 2, il y a un mode randomizer, puis il y a des outils de speedrun pour que tu puisses te timer, puis tout. Mais tu vois, ça, c'est un jeu indie qui est un Metroidvania, fait qu'ils savent que le monde speedrun leur jeu. T'sais, Axiom Verge 1 était full speedrunné aussi. Fait comme ils savent que une grosse partie de leurs joueurs, que c'est ça qu'ils cherchent. Fait qu'avec la communauté, ils ont mis au point leur randomizer mode, puis leurs outils, puis tout. Mais je suis sûr Blob, que t'aimerais peut-être ça. Il y avait... on en parlera Ah, on en parle tout de suite. On a comme plein d'autres de jeux à parler. Ok, je vais me le garder pour me le noter pour plus tard. Sinon, quoi d'autre qu'on a sur nos listes là? Mais je sais pas si les compagnies vont commencer à faire ça parce que quand ils font pas, genre les communautés le font pareil. C'est Ça, c'est un comme Christ de gros point. pourquoi qu'ils se forceraient pour expliquer toute leur lore si la communauté vont se faire des headcanons puis trouver des explications ensemble sur des wikis? Puis après ça, ils peuvent décider dans le 2 s'ils décident de dire non, c'était pas ça ou oui, c'était ça. Comme pourquoi qu'ils mettraient de l'argent là-dessus quand la communauté, elle le fait toute seule, tout marche Ouais. tout seul? C'est du travail de plus, là. Que Axiom Verge ait décidé de faire ça sur un mode de plus, c'est du travail de plus. Il fallait qu'ils prennent le temps, genre, de consulter les gens, puis de les faire essayer, puis comme. Ah non, les grosses compagnies, ils veulent pas se faire chier que ça, là. Fait que. Non, Ouais. c'est plus ça que je me dis, mais C'est un comme bon je point. vais saluer tous ceux qui vont le faire, puis je pense que ça serait vraiment le fun si tout le monde le faisait. Mais je suis pas sûr qu'il y a de l'argent à faire avec ça, puis c'est ça, tout le temps, qui va être l'espèce de déterminant. Mais ça, c'est tout le temps, parce qu'il est comme. Je veux dire, Parce que... plus le monde joue, puis plus le monde y stream ton jeu, puis plus il va se vendre. Ben, c'est la surprise avec Ouais. GTA V, là. C'est comme, genre, je peux pas croire que ce jeu-là, il en vend encore des copies. Et jamais je croirais que tout le monde qui voulait GTA V, il l'a acheté à ce stade-ci. Puis, étonnamment, il continue d'en vendre des... Parce Fait que ça se stream encore beaucoup, parce puis c'est que la c'est communauté. encore... Parce que c'est ça. Il rajoute un peu de contenu, mais... Puis il rajoute du stock. Mais je sais pas. Je sais pas s'il rajoute du stock ou c'est juste le monde qui s'invente des affaires comme Non, ils ont les rajouté du stock, randomizers. là. Les heists pis tout, là, il y a du stock qui s'est rajouté, là. Ok. Ben, Comme faudrait que GTA récemment. Online aussi, c'est une grosse affaire, là. Ouais. Parce que le mode online est très cool. Ouais, mais c'est ça, ils ont rajouté, tu sais, comme je sais pas ça date de quand, la dernière fois que j'ai entendu parler qu'il y avait du nouveau stock sur GTA Online, mais ça date pas de plus tard que, genre, 2020, mettons, là. Pas de plus tôt que 2020, mettons. Qu'il y a eu des heists de rajouter pis ça fait la même. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai joué à Control. Oui, ah, J'en ai oh, c'est parlé pas vrai. mal. C'est vrai. Comme, C'est un jeu de l'année? c'est un bon jeu de mes jeux préférés de l'année. C'était peut-être, parce que j'ai pas joué à grand chose. Oui, je le mets définitivement. J'ai eu du fun à jouer à Control. Il y avait des problèmes. La fin est un peu chenue, même s'il y avait des bons moments. Il y avait, mais comme il y avait des affaires un peu mof, puis il y avait des affaires bien, puis c'était ça. Mais c'était comme, c'était un bon jeu. Fait que ouais, Control dans mes jeux de l'année. De Cool. toute façon, je l'ai eu gratuit sur Epic Store, fait Yeah. que. T'sais, j'avais joué pas mal. Un Puis je l'ai truc. fini, ce qui est Oui, c'est un un bon gros jeu. signe. Un truc que j'ai pas mentionné, mais qui est techniquement sorti en 2021, mais que j'ai pas terminé en 2021, c'est la nouvelle expansion de Final Fantasy XIV, que j'ai pas vraiment le temps de parler dans le podcast encore, mais. Genre, juste comme je veux la mentionner, juste parce que c'est l'expansion qui met fin au storyline d'un jeu qui est très proche à mon cœur, que je joue depuis genre 6 ans, puis, fait que, ça a été très, très émotionnellement attachant et touchant et intense de jouer à Endwalker. Mais c'est ça, c'est pas un jeu complet, c'est juste une expansion, mais je veux le mentionner pareil. C'est sûr que même si c'est arrivé à la fin puis j'ai fini ça en janvier, ben c'est un Dans gros les highlight. MMO, des fois, les expansions, ça file comme des jeux complets, là. Ben oui. Ouais, ça a été long quand même de clencher tout ça, puis j'ai loin d'avoir fini, tu sais, j'ai clenché l'histoire là, mais j'ai pas du tout fini tout le contenu auxiliaire, mettons là. Mais J'aime ouais, c'est ton ça. choix de terme. Je t'avais pas parlé, mais c'est ça, Endwalker, c'est la dernière expansion de Final Fantasy XIV, puis ça veut pas dire que ça va être la dernière. Ils ont dit qu'ils allaient faire d'autres expansions, mais c'était l'expansion qui fermait le storyline qui est starté depuis le début du jeu. Fait que c'est vraiment comme une conclusion à l'histoire. Pour ça qu'ils ont appelé ça Endwalker. Ouais. Est-ce que tu marches Tu vers la fin? marches la fin. C'est ça. J'ai des amis qui disent les fins marcheurs, nous sommes les fins marcheurs. Les fins marcheurs. Évidemment. Clairement ça qu'ils pensaient. Puis c'était bon, c'était touchant, puis j'ai braillé tout le long, puis c'est bien fait, c'est encore un jeu absolument merveilleux que j'adore, qui suit beaucoup le feedback des joueurs, puis qui tu sais, pour un MMO, c'est sûr que maintenant tout le monde est en train de comparer World of Warcraft puis Final Fantasy XIV, parce que comme au début World of Warcraft c'était le big jeu, puis Final Fantasy XIV c'était juste un petit jeu niche qu'une couple de personnes qui jouent, tu sais. Puis maintenant, ben les rôles se sont inversés beaucoup. Fait que c'est sûr que dans les années qui vont venir, il va y avoir énormément de. Ben, ils commencent déjà là sur YouTube à avoir énormément de comparaisons, puis de critiques, puis de qu'est-ce qui s'est passé, puis dans les choix de direction du jeu, etc. Puis Ouais, puis Blizzard, on s'entend que ce n'est plus mais même avant tout ça. tout le mur de l'aura de nostalgie et de ah, oh, mais Blizzard ne peuvent pas faire de la merde, mais comme Mais non, les mais même personnes. avant ça, wow, c'était un shit show, là. Même avant cette année, là. Ça Ah, ouais. fait des expansions et des expansions que c'est un jeu sur le respirateur artificiel, là. Ouais, ben après ça fait aussi un jeu qui a 10 ans de plus que l'autre, je pense. À peu Ouais, près. oui. Mais ça reste que c'est un jeu qui s'est complètement assis sur ses lauriers depuis, genre, vraiment beaucoup d'expansions. Ça, on dirait qu'il est resté pris dans le passé un peu. Ouais. Tandis Ah, que intéressant ça. mais ça a été un succès immédiatement. Puis après ça, c'est juste assis sur ses lauriers. Tandis que FF14 n'a jamais été un succès. Puis ils ont juste travaillé fort, puis ils ont jamais rien pris pour acquis, puis ils ont juste continué à travailler, puis à écouter du feedback, puis à l'améliorer. Puis maintenant, c'est un jeu incroyable avec une player base tellement grosse qu'ils fournissent plus. Fait que c'est vraiment deux évolutions de jeu différentes, mais c'est super intéressant parce que c'est aussi un développeur américain versus un développeur japonais, puis la façon qu'ils interagissent avec leur communauté, puis qu'ils prennent pour acquis leur popularité, mettons, est aussi complètement différente, parce que les Japonais vont jamais vraiment comme prendre pour acquis que non, mais ça va être un succès, puis tu sais, ils vont toujours comme continuer à essayer de s'améliorer, puis à être reconnaissants, je trouve, genre, du succès qu'ils ont. En tout cas, tu sais, c'est des cultures vraiment, vraiment différentes. En tout cas, je sais pas trop m'affaler là-dessus, mais bref, Endwalker, c'est sûr que c'est probablement mon jeu de l'année 2021, là, en fait, là, ça va être Endwalker. Boba. Intéressant. D'accord. Ouais, non, c'est... Ok, je vais aller le mettre dans l'autre colonne. Oui. J'ai-tu le temps pour une autre Ben oui, mention spéciale? vas-y. Que je suis triste de pas mettre dans mes jeux de l'année, en fait. Parce que j'avais vraiment, vraiment beaucoup d'espoir. C'est Boyfriend Dungeon. Ah. Il faut que je le mentionne, c'est sûr, faut que je le mentionne. Je l'ai full aimé, je l'ai full aimé. Mais on dirait que... Ben, c'est comme... On dirait que c'est pas assez hot pour être un jeu de l'année. Parce que ça se finit en 10 heures, puis que c'est juste comme short and sweet, puis c'était cool. Mais... C'est pas un jeu qui fait wow, genre. C'est pas un jeu qui... C'est pas un jeu qui est venu me tirer. C'est pas comme quand j'ai fini Cyberpunk que genre je me revirais dans mon lit en me disant genre je peux pas croire que ça finit de même. Puis que j'avais comme plein d'émotions puis que j'étais tiraillée de partout. Puis Boyfriend Dungeon c'était vraiment le fun. Ben donc ça devrait être sur ta liste. Mais ça a pas donné une grosse Ça impression. respecte tes attentes étaient trop élevées, c'est ça? Peut-être que mes attentes étaient élevées. Mais c'est que c'est pas venu chercher, c'est pas venu éliciter comme plein d'émotions dans mon cœur, genre. Ok. C'était le fun. C'était juste bon. Ouais. C'était C'était comme. bon, mais c'était Ouais. pas merveilleux, incroyable, oh my god, faut que j'en parle à toutes mes amies, faut que tout le monde joue à ça. Comme, ouais, c'est un peu C'était comme juste comme... Control. À part que Ouais. Control était plus long puis c'était un triple A, fait que moi je l'ai mis dans ma liste. Mais non, mais tu sais, je veux le mentionner parce que ça faisait des années que je l'attendais, puis encore, ouais, peut-être que j'avais trop de hype. Je pensais que ça serait plus long puis que ça développerait plus les personnages puis que les arcs comme Boyfriend Dungeon a terminé puis j'étais comme fuck, c'est juste ça, c'est déjà fini, il y en a pas plus. Oh my god, tu sais. Je pense que faudrait que je regarde combien de temps j'ai joué. Je pense que je m'attendais à ce qu'il soit vraiment plus long que ça. Ce qui est pas nécessairement grave, c'est ça encore là, comme je veux comme pas bâcher, genre, c'est comme, il aurait fallu qu'il soit plus long que ça, comme, c'est pas qu'il aurait fallu, j'ai joué 10 heures, ouais, 11 heures, genre. Mais je pense que j'aurais voulu qu'il soit plus long que ça, puis qu'il soit plus profond que ça, puis plus développé, puis... Tu sais, le gameplay était un petit peu one note. Puis il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait juste deux donjons. Il y avait beaucoup de boyfriends, mais il y avait juste deux donjons. Puis je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Comme, ouais. C'est malheureux. Mais c'était bon. C'est pas que je le recommande pas, Fait c'était que le bon. jeu devrait s'appeler Boyfriends Genre. Dungeon. Mais même encore là, il y avait beaucoup de Yes. boyfriends, mais comme. Les autres, si j'aurais aimé ça que ce soit plus long, puis plus profond, puis plus développé, puis comme. Ouais. Je pense que c'est un jeu dont l'envergure dont je m'attendais, c'est pas l'envergure du jeu finalement. C'est un indie game d'une dizaine d'heures, puis c'est ça. C'est un petit studio aussi qui Ouais. l'ont fait, là. Ils sont vraiment pas nombreux, cette gang-là. Kid Fox, sont-tu 10? Je sais même pas s'ils sont 10. Ok, ben ça fait du sens là. Puis il développe plein d'autres contenus là, il va avoir des DLC puis tout là. Fait que Ah ça sera bon, ben, cool. Puis je vais y retourner. peut-être que ça va remonter dans ton estime, Mais comme c'est ça. pas qu'il est pas haut dans mon estime, ni au pareil. Je pense que je m'attendais à. Ouais, clairement que j'avais trop d'attentes, là. Je pense que c'est peut-être ça. Ouais. Non, c'est un très Mais bon jeu, juste au là. niveau du contenu, pas au niveau comme du design puis tout ça, là. Ouais, genre. Ouais. Mais aussi, tu sais, comme peut-être que je m'attendais à ce que ça rock mon 2021, tu sais. Puis c'était peut-être trop d'attentes à poser sur un petit C'est jeu indie beaucoup. comme ça, là. Ouais, Écoute, c'est ça. là, 2021 Ouais. reposait sur Boyfriend Dungeon. Peut-être un petit peu, Yish. ouais, parce que c'est comme le C'est jeu, c'est la vrai que tu sortie. l'attendais beaucoup, là. Tu nous en J'avoue, parlais. On ouais, c'est dirait que la t'as. sortie que j'attendais cette année, là, Dirais-tu que t'as plus aimé les newsletters qu'il envoyait que le jeu lui-même? Non, là, j'oserais pas dire ça, mais j'ai Ok. vraiment aimé les newsletters, par Je me exemple. souviens que tu nous en Ah parlais ouais, beaucoup. Tu j'étais disais les tellement newsletters hype. de Boyfriend Dungeon sont vraiment Ouais, nice. j'étais tellement hype à chaque fois que je. Oui. Puis je veux dire, hey, faut le faire, là. Pour que j'aie hâte d'avoir une newsletter dans ma. Genre, pour que je vois une newsletter, que je fasse comme fuck yeah, une newsletter! Tu sais, genre, faut le faire, là. Faut le faire en Christ, là. Oui. Oui. Mais c'est tout le temps comme genre, ah, mais c'est tel personnage qui pense à toi, puis c'était extrêmement brillant en termes de stratégie de marketing, puis de hype du jeu, puis tout, là. C'était numéro Fait qu'il un. faut l'inclure dans la. Faut l'inclure, mais Dans malheureusement, ça l'expérience. Ouais. c'était un pre-order exclusive. Tu joues au jeu, tu peux pas t'abonner à la Ah, ok. newsletter puis là aller recevoir ça Non, dans c'est le. ça. À moins qu'il ait mis les newsletters dans le jeu somehow. Il devrait. Il devrait. Bon. Et moi, il m'en reste un. Go. Vous en restes-tu? Non, c'est tout. Oh, on a fait le OK. tour. On finit avec ça. Bon, ben, moi, je veux un qui. Je le garde un peu pour la fin, là, parce que c'est quand même un bon. C'est Loop Hero. Ah ben oui. Ouais. Que j'ai joué dans le mois de décembre. Ça, hein, à la toute fin, finalement. Fait que je me gardais. Ouais, c'est ça. Ça a été la surprise. Un jeu que j'ai acheté. Je l'avais vu passer. Je l'avais vu là, long. T'sais, comme quand il est sorti, tout le monde en a parlé. Tout le monde a dit, ah, c'est vraiment bon. Je l'ai comme un peu oublié. Puis là, je sais pas comment, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je l'ai revu. Il était même pas en spécial. Je l'ai payé full price. J'en ai-tu parlé? Parce que je pense que je n'ai full entendu parler de Waypoint, puis j'étais comme, Narf, j'aimerais ça. En tout cas, je sais pas. J'en ai Peut-être. peut-être parlé sur le Peut-être. Discord, genre. Quand c'est sorti, je me souviens qu'on m'en avait parlé. Je me souvenais du site web parce que quand je suis retourné, je me souvenais du site web parce que le site web, il te fait vivre l'expérience d'une loop. Pour C'est comme, vrai? c'est intelligent. Eh, je vais aller voir ça. Et puis, fait que ça, c'est très cool. Et puis, comme je l'ai installé sur un coup de tête, c'était durant mon arrêt de travail de burn-out que là, j'étais comme, hey, you know what? J'ai enfin envie de jouer à un jeu vidéo parce que là, ça faisait longtemps que je jouais plus à rien parce que je faisais plus rien pantoute. Puis là, j'étais comme, bon, alors on va en profiter. Si l'envie est revenue, on va pas commencer à se dire genre, oh, on va attendre de jouer un jeu, mais attendre qu'il soit en spécial. Fait que je l'ai acheté full price. De toute façon, c'est genre, quoi, 20$. Je l'ai acheté sur GOG. Et Bonne puis, idée. j'ai joué, je suis rendu à beaucoup plus que 20 heures, là. Je dois être 25-30, là. Puis, ben, je l'ai streamé l'autre jour. C'est pas la grosse, c'est pas la révolution, là. Mais c'est vraiment pas pire pantoute. C'est vraiment bon. Comme il y a des petites affaires C'est pas que, en tant secret. que designer, que j'aurais tweaké, mais ça, tous les jeux ils ont ça. Fait que Loop Hero, le concept de ton bonhomme, il marche en rond. C'est quasiment un peu un idle game. Les combats vont super vite. C'est ce que j'aime pas dans les RPG, c'est que les combats, c'est tout le temps. Les tours par tour, je veux dire. C'est tout le temps long. Je suis comme, C'est genre. vrai. Veux-tu juste comme finir ça? Pokémon, si on pouvait faire un idle Pokémon, j'avais commencé à le faire à un moment donné. Il faudrait que je le Ah finisse. ouais, c'est vrai, hein? Idle game Pokémon, ça marcherait. Fait que, ouais. J'ai beaucoup aimé ça, et je continue d'y jouer, là. Fait que, c'était, Good. je veux dire, c'est peut-être pas au niveau de Subnautica, là. Mettons qu'on veut être granulaire, là. C'est comme mon deuxième jeu préféré de l'année. On va dire ça. Et, Good. pas mal ça qui nous amène vers les mots de la fin. Oui. Yeah, avez-vous un petit mot de la fin? Vite, vite. La semaine Petite prochaine, affaire. on fait les prédictions. On regarde les Oui. prédictions de 2021, puis on en fait pour 2022. Ouais, je sais pas si on va réussir à tout faire ça en même temps, mais. On va essayer. J'ai écouté le Nintendo Direct hier, puis j'ai bien aimé ça. Ah oui, moi aussi. J'ai été impressionné par l'update qu'ils veulent faire à Mario Kart. Ouais. Je sais pas si vous le saviez, mais j'aime bien ça, Mario Kart. Puis. Ils ont encore 48 nouvelles tracks? 48! Ben, faut tes achètes, là, mais ouais. Ben, comme j'espère d'un côté, là. Sinon, 48 nouvelles courses. Ben, c'est pas des nouvelles, c'est des remakes d'anciennes courses de d'autres jeux. Mais ils n'existaient pas dans Mario Kart 8 avant. Est-ce que il fait quoi? Il double la quantité de tracks? Genre. Ben, plus, je pense. Ah, ouais, À ok. part que tu comptes les DLC, là, mais quand tu rouvres le jeu, il y a 8 copes de 4 courses que tu peux unlocker. 8 fois 4, 32. Puis là, il en rajoute une quarantaine. Ouais, ok. Il y en a pas. Ça fait beaucoup de nouvelles pistes. Tant C'est mieux, ça. tant. Ça, surtout Très que ça commence pas impressionnant. longtemps qu'il est sorti. Ouais, mais au Ouais, moins, il est sorti sur comme. la Wii U à l'origine. Puis là, c'est le remake Switch Oh! qui reçoit ça. Mais au Oh, moins, ok. comme, tu sais, moi, je pense aux familles, là, qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau Mario Kart, ils sont obligés de se taper comme un jeu de 80$, tu sais. Fait que là, je me dis, au moins, ça, c'est cool parce que ça sera pas 80$ pour toutes les nouvelles tracks. Fait que. T'as combien déjà? Je sais plus. Quasiment ça, je Ah, pense. pour vrai? Je pensais que c'était plus comme 40, là. Mais. Oh shit, ok, je sais pas. Ouh, quoi, ils vont te le faire en abonnement? Faut que tu t'abonnes à Mario Kart? Je pense que t'as un gros rabais ou quelque Ouais. chose si t'as la méga passe. Ouais, je pense que oui, je pense Et qu'il la vient avec méga passe, la ça date vaut pas vraiment d'auto. la peine parce que tout ce qu'elle donne, c'est genre des jeux de Sega Genesis puis de 64 qui roulent pas full bien. Elle permet de jouer en ligne sur leur serveur qui roule pas full bien. Ouh, Ouais, wow. ben la passe normale, elle coûte 5$ par mois, puis elle donne les jeux de Super Nint puis de Vieux Nint. Mais là, faut que tu pognes la passe plus pour avoir le Ah, 64 et le Genesis. c'est vrai. Et un rabais sur tes nouvelles pistes de Mario Kart. Ouais, puis des OK. gogosses dans Animal Crossing, je pense, là. Oui. Bon, bon, La bon. passe, le expansion pack qu'ils appellent, personne l'aime. C'est overpriced pour des affaires que personne veut. Ben, c'est pas overpriced si tu prends le format familial à 8 personnes puis tu mets 8 personnes dessus pour de vrai. Parce qu'ils Ouais, limitent comme pas, peut-être. ils checkent pas, là, genre, si tu fais à la même adresse ou whatever, là. Fait que le monde a réalisé que ça, c'était quand même un pas pire deal, là. Ouais. Ça revient Ouais, à puis 20$ par année, je pense. faut que tu te trouves des amis. Ouais, faut que tu trouves des amis. Ben, Mais il y a le comme, temps pour ça. ils permettent, puis comme, ils admettent un peu le fait que le monde, ils vont être juste des amis puis qu'ils vivront pas dans la même maison, là. Même si ça s'appelle la passe Ben, familiale, là. Netflix, ça a toujours été de même. Non, Netflix, ils aiment pas ça que tu partages Netflix. Ils sont pas contents que tu partages Netflix. Ah ouais, Ils je voudraient que tout le savais monde pas le qu'ils paye. disaient Ouais, ça. ils ont encore, genre, sorti de quoi, là, sur Twitter récemment, il me semble qu'il y a, genre. Mais Ah là, ouais. pour nous aider à financer nos séries, s'il vous plaît, veuillez ne pas sharer vos mots de passe, whatever, là. C'est comme, ah, fuck you. Ben là, Faut pas manger share. de Ouais, la non, vraiment, marde. là. Mais tu vois, Nintendo, au contraire, là, comme Nintendo, sont comme, genre, non. Share ça avec tous tes amis. Profitez-en, là. Tu peux mettre 8 Switch dessus, là. Ben, trop tôt, 8 amis, là. Netflix, la compagnie qui est comme dans le top 10 des plus, dans le top 20, je pense, des plus grosses compagnies au monde, comme calmez-vous le bacon, qui ont augmenté de 75% leur profit durant la pandémie, c'est comme calmez-vous votre petit bacon. Ouais, là, ils ont dit ça parce que là, ils ont commencé à perdre des membres parce que là, il y a Disney Plus et compagnie, puis là, Ouais. leur action a fait pouh! Ouais, mais c'est parce En qu'à un tout moment cas. donné, le monde va pas s'abonner à tous ces services-là, là. Oublie Ben non, ça, c'est là. ça. J'ai Ils jamais vont. autant Ils vont. en 2021, là, j'ai jamais autant torrenté de ma vie. J'ai C'est redécouvert inégal. C'est vrai, ça, j'aurais dû dire ça. 2021, j'ai redécouvert les torrents, là. Ah, C'est ben ça. C'est pas. C'est pour ça que t'as pas joué à des jeux. T'as Ah! regardé des affaires. Pas tant pour ça, mais ouais. Moi, j'ai un petit mot de la fin, vite, vite. Parce que là, je viens de le voir que j'ai oublié de parler de Yoku's Island Express, qui était sur ma liste, que j'ai joué. C'était très cute, c'était bien le fun. Moi, j'aime les jeux de pinball, puis ça, c'est un jeu de pinball exploration. C'est un C'est cool. Metroidvania de pinball. Ouais. Je trouve que, malheureusement, il y a le même problème un peu que les Metroidvania, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu finis par te perdre, puis tu sais plus trop quelle chambre connecte avec où, fait que comme... J'aurais aimé qu'il y ait comme un système de flèches qui dit genre, je veux me rendre là, trouve-moi l'itinéraire. Ok, ouais. Ça me semble, ça aurait aidé. Je sais que c'est pas tous les jeux qui bénéficient de ça, mais dans ce cas-ci, ça, j'aurais apprécié. En tout cas, c'est quand même un bon jeu que je mets sur ma liste. Je l'ai pas fini, mais je vais le finir. Un jour. Et c'est ce qui termine notre émission. Spécial de revue de l'année 2021, on peut J'ai-tu fait un dire. mot de la fin, Oh, t'avais-tu un mot de la fin? moi? Excuse, Ouais. excuse. Excuse, Vas-y, ben c'est pas vas-y. grave. Mais c'est parce que, comme moi aussi, j'ai réalisé qu'il y avait un petit jeu que j'avais pas plugué puis que je voulais juste plugger vite Ah, vite ben parce go. que ça, c'est comme vraiment mon coup de cœur dans les petits jeux itch.io que j'ai essayé cette année. C'était Lonely People Potion Shop. J'en avais déjà parlé, vous pouvez revenir dans les épisodes. Mais aussi, j'ai réalisé que je l'avais écrit puis je n'avais pas parlé. J'ai vraiment trouvé ça le fun, qui est un petit jeu de justement de marchand d'alchimie. Puis. Tu donnes les bonnes potions aux bonnes personnes, puis c'est sur Itch, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Lonely People Potion Shop. Tranquille. Ok, mais. Excuse, vas-y, fais ton C'est parfait, c'est parfait. intro. Chacun en a chacun notre mot de la fin, c'est parfait. Oui. Fait que c'est ce qui termine cette émission de On a juste une vie. Si vous voulez avoir plus de On a juste une vie dans votre vie, vous pouvez vous abonner. On est sur notre site web onajusteunevie.ca. On est sur plein de plateformes comme PeerTube, comme Twitch et Apple Podcasts et YouTube. Vous pouvez vous abonner. D'habitude, je dis notre adresse email, mais là, Google nous a fait un très mauvais coup et je suis Ah non. très pas content parce que là, ils vont couper notre service Ok, comment ça? oh. de email. Je suis pogné pour l'adresse de onajusteunevie.ca. Il va falloir que je déménage ça en quelque part. Faut que je trouve un fournisseur de email. Mais Ouais, comment ça? j'ai le même problème avec mon adresse personnelle. On peut se payer un proton ou quelque chose. Oh, je Ah vais en ben retrouver quelque chose. ouais. Ouais, Là, mais fait que comment je ça? vais. Je comprends pas. J'ai pas de problème avec mon Gmail. Ah non, c'est parce que c'est info at onajusteunevie.ca. Ouais. C'est Ah, le at fuck. onajusteunevie.ca qui est là. Ok. On utilisait une vieille affaire gratuite Ok. de qui ont juste gardé. T'sais, ils ont arrêté de l'offrir, mais ils nous le gardaient, ils nous le gardaient, ils nous le gardaient. Puis là, ils ont tiré à plug. Fait que là, d'ici l'été, il va falloir que je déménage tous mes emails de moi et de On a juste une vie. Merci Google! Merci beaucoup! En même temps, il aurait fallu que tu fasses ce move-là tôt ou tard pour une autre raison, probablement. Honnêtement, je suis content parce que je suis Comme comme. il y a ça, là. Comme je disais sur Mastodon, j'étais comme. Merci Google de me donner le courage et la motivation de débarquer de Gmail. Parce que là, si je pourchanger, c'est sûr que je vais pas aller. T'sais, je vais pas. T'sais, on a une adresse. Je pense que c'est onajusteuneunevie@gmail.com. Ah C'est comme ouais? on l'a. On s'en servait plus parce qu'on avait une plus belle adresse, plus officielle. Tu penses-tu vraiment que je vais recommencer à m'en servir? Non! On va la déménager, celle qu'on a. On va la déménager ailleurs. Fait. Bon, bref. En attendant, je vais pas la donner. Si vous Ouais, voulez nous alright. écrire, vous nous écrirez par d'autres méthodes. Ben, venez nous Est-ce voir qu'il y a sur des. Discord, on est ben blood, on a du fun, on partage des mimes. On est ben blood. Fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Moi, je suis banana blood. Ouais. Vous pouvez venir sur Discord où vous pouvez. J'ai des plans pour le futur. On va peut-être ouvrir des nouvelles plateformes pour venir nous jaser. Et C'est ça. Merci à tous ceux qui étaient là dans le chat. Merci à Blob et Anne-Marie d'avoir été avec moi ce soir. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie. Bon, Gab veut pas qu'on commence tout de suite parce qu'il faut y aller aux toilettes. Vas-y donc. Vite, on commence!